Le plan de Jean-Jic assemble un truc-y. On se donnera quelques conseils pour pas se mettre les pieds d'œil plein dans les instructions d'assemblage. Et je suis de retour sur pied pour vous apprendre quelque chose dans Tania is gonna entertain ya. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Ce lundi 19 mars 2018, on est à 39 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Tu sais que 39 jours, c'est 6 semaines. C'est vraiment pas beaucoup. Je vois un petit peu la lueur au bout de nos vacances. Vacances, chômage! Oh mon Dieu! Ouais, bon, c'est ça. Ouais. Donc, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, en fait, à l'émission. C'est effectivement vrai. 6 ouais. semaines, c'est pas beaucoup. Ça va passer de même. C'est sûr. C'est sûr demain. Et certain. Bref, aujourd'hui à l'émission, Tania, on n'a pas d'invité. Oui, non, c'est Mathieu et moi. C'est ça. On n'a pas Marc Gagné aujourd'hui qui devrait être avec nous à 8h les lundis matins, mais pas cette semaine. Il va être de retour la semaine prochaine. Par contre, on a plein de chroniques maison à vous garnir la face de. Hein, en commençant avec tes chroniques à toi, Tania, qui est de retour après une semaine d'absence. Oui. Colin, est-ce que tu vas mieux? Je vais mieux. Vous pouvez voir quand même que ma voix va mieux aussi. Elle aussi. Oui, c'est ça. Il y a comme des petits bouts qui manquent. Je vais pas rire, mettons, dans l'émission aujourd'hui. Ça donne même, je suis pas drôle. Fait. Si je ris, ben on perd le rire. C'est mais ça. Vous allez m'entendre, évidemment, cette semaine, parce que je suis de retour, comme tu le disais. Et puis, deux petits sujets quand même assez faciles pour vous. On va se donner dans l'intelligence aujourd'hui, Mathieu. Ouais. J'en dis pas plus, parce que j'aime ça quand même garder un petit mystère avec tout ce qui va arriver dans Tania is gonna entertain Tania. Et encore une fois, mystère aujourd'hui, mais on y va avec l'intelligence. Vous allez voir. Cool. Une fois en deuxième heure, une fois en troisième heure. Exactement. Si tout va bien, si tout va comme prévu. Entre tout ça, on va se lancer la balle un petit peu. Moi, je vais faire les instructions d'assemblage, bien sûr. Je vais faire du après le crime en toute fin d'émission. On va faire son foot palmarès dans quelques instants, même pas mal de son foot palmarès, parce qu'on va parler du printemps aujourd'hui. Le printemps commence dans les prochains jours, hein? Mm-hmm. C'est ça, le printemps. Oui, le printemps. C'est bien ça. C'est le mois de mars, le printemps. Ça sent bien. Ça paraît pas, mais ça sent bien. Bref, c'est dans quelques instants. Avant ça, par contre, on a aussi de nouvelles entrées francophones et anglophones à entendre. On commence en franco. Voici une nouvelle entrée de Foisy avec Chisasibi. Tout de suite. Assemblage Rocky, ouais. Chisasibi. Première neige polaire. Foisy et Chisatibi. Je suis un peu foisy, moi aussi. Hey boy, hein? C'est quoi la bite à Tibi, t'as dit? Non, Chisatibi. Chisatibi, ok. C'est ça. Vous êtes à l'assemblage requis maintenant, c'est son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa la chronique qu'on a donnée sur un sujet plus ou moins précis. Tania, est-ce que t'aimes le printemps? Ben oui, là, considérant le fait que l'été est plus là. C'est ça, c'est ça. Que l'hiver est plus là. L'hiver est plus là, ouais, avoue, ouais. Avoue. Mais mettons, dans le top 4 des saisons, est-ce que c'est à numéro, quoi, 3? 4? C'est difficile. C'est ça, ça dépend des gens. Ouais. Hein. Je pense que c'est une saison négligée. Hein? On dit souvent l'été parce que c'est chaud, l'hiver parce qu'il y a du sport à faire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle tombe en numéro 3. Ouais, pas mal en numéro 3. L'automne, c'est le plus plate. Ouais. Ouais, je l'avoue. Il y a rien de fun à l'automne. Pourquoi les feuilles, c'est beau? Le printemps, c'est la slush. Moi, je mettrais le printemps en quatrième place. Ouais, mais le printemps, c'est la venue du beau temps. T'as raison aussi. C'est comme ex aequo. Exact. En position ben, 3 et 4. Non. Moi, je mets vraiment le printemps en 3 puis l'automne en 4. OK, je vais mettre l'hiver en 4 juste pour faire différent. Bon. Bref. C'est comme tu veux. On va parler de raisons scientifiques pour lesquelles le printemps, c'est une bonne chose. OK. C'est le fun, le printemps, et pas juste parce que, Caroline, l'été s'en vient. C'est comme dire que quelqu'un est fin parce que c'est le frère de l'autre. Là. C'est comme. Non, c'est sa propre saison. Hein? Pour commencer, les températures modérées. Évidemment, le printemps, c'est le début des températures moins froides, même si ici, on a pas reçu le message, je pense. Moins quoi? Moins 12 aujourd'hui? Chose comme ça. Ouais, ça joue aux alentours de moins 10 ce matin. Bref, les gens sont à leur plus confortable à une température de combien, tu penses? Une température que tout le monde dirait c'est le standard, on veut avoir ça à l'année longue. Oh boy! Ici, au Québec? Ouais, ben en général, dans le monde. 17, 20? Ouais, 22. Ouais. Quand même, 22. Donc, c'est ce que les études nous apprennent. Donc, l'arrivée du printemps veut dire qu'on va se rendre, évidemment, un jour vers le 22 degrés. On va pouvoir laisser tomber quelques couches. Hein? Ensuite, il y a plus de lumière le jour, plus longtemps de soleil. Évidemment, on sait qu'il y a eu le changement d'heure très récemment. Mais tout ça pour dire qu'il y a de la science derrière ça. Plus de soleil, ça peut augmenter l'humeur selon, encore une fois, quelques études. Une étude de 2016 d'étudiants de Brigham Young University nous apprenait que plus le soleil était levé pendant la journée, moins les troubles mentaux étaient vécus par les gens. Moins de détresse mentale, moins d'anxiété. Un truc comme ça. Bien sûr, le retour des oiseaux. Hein, plusieurs oiseaux s'en vont dans le sud pour l'hiver, les maudits chanceux, mais ils reviennent lorsque les températures sont de retour. La migration peut commencer à la mi-février et durer jusqu'en juin. C'est quand même un long processus. Là, on l'a vu, il y a des oiseaux qui chantaient quand même assez tôt cette année, alors qu'il faisait encore vraiment froid. Bref, on peut voir beaucoup d'oiseaux arriver selon une étude de 2017 au Royaume-Uni. Plus les gens voyaient d'oiseaux dans leur quartier, meilleure était leur santé mentale. Ça a du sens quand même, les oiseaux, ça met de bonne humeur. Hein? Sauf quand il rit de toi. Il y a des bébés animaux partout. Hein? Plusieurs animaux se reproduisent le printemps lorsque les températures sont un petit peu plus chaudes. Donc des bébés lapins, des petits canards, des petits écureuils, des animaux adorables comme ça. Les études nous apprennent que voir des animaux mignons peut avoir un effet positif sur les humains. Par exemple, une petite étude de 2012 nous apprend que lorsque les étudiants universitaires regardaient de belles images de bébés animaux, ils focussaient mieux sur la tâche devant eux. Être capable de regarder des petits bébés écureuils se promener dehors, ça pourrait vous rendre plus productif. Intéressant. T'es plus en sécurité quand le printemps arrive. C'était en 2015, une paire d'études nous apprennent les avantages d'avancer l'heure. Ça réduit le crime. Lorsque le soleil se couche plus tard le soir, une étude publiée dans le Review of Economics and Statistics nous apprenait que le nombre de vols descendait après le changement d'heure au printemps. Il y a une chute de 27% de vols pendant cette heure additionnelle de lumière le soir et une chute de 7% sur la journée au grand complet. Donc ça a des avantages pas mal. Évidemment, le fait qu'on peut aller dehors est un autre avantage du début du printemps. Hein? Ça veut dire qu'on peut passer plus de temps dehors sans se geler les pieds, ce qui est bon pour la santé mentale. Pendant toutes les saisons de l'année, les études nous apprennent que se promener dans la nature, ça va descendre ton battement cardiaque, ça va te rendre plus relaxé. Et d'autres études indiquent qu'il y a quelque chose de spécial le printemps. C'est une étude de 2005 de l'Université du Michigan qui disait que de passer 30 minutes ou plus à l'extérieur lorsqu'il faisait chaud, donc une journée typiquement printanière là, avec le grand soleil qui sort, meilleure humeur t'étais et en plus t'avais une meilleure mémoire grâce à ça. Mais l'opposé est aussi vrai à la fin du printemps. Dans le fond, ça se renverse parce qu'être dehors les journées les plus chaudes de l'été, c'est pas mal inconfortable, donc ça va enlever ta bonne humeur. Le printemps te rend plus créatif ou créative. C'est la même étude de l'Université du Michigan qui nous apprend que passer du temps à l'extérieur lorsqu'il fait une belle température de printemps avec le soleil, ça augmente l'humeur, mais aussi ça change la façon de penser. Les chercheurs nous apprennent qu'être à l'extérieur rendait les esprits des gens plus ouverts, les laissant plus ouverts à de nouvelles informations, à des pensées créatives. Ce qui a du sens. Les feuilles reviennent. Au printemps, bien sûr, ben oui. Ça fait aussi pousser les plantes, les arbres, dépendant où on est évidemment dans le monde, mais quand même, ça peut commencer habituellement à la mi-mars, on est pas mal dans le moment où ça devrait commencer, mais bref, un facteur très important pour la confortabilité, je dirais, des villes, selon certaines recherches, les plantes, la végétation jouent un grand rôle pour mitiger les effets d'îlots de chaleur dont on parle souvent. Lorsque les arbres relâchent de l'eau dans l'air par l'évapotranspiration, oui, ça peut refroidir certaines places de plusieurs degrés selon la EPA américaine. Justement, faire pousser des plantes, ça absorbe le dioxyde de carbone. Incroyable ce que ça peut faire quand même via la photosynthèse. Les plantes vont convertir la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l'eau en alimentation, en relâchant de l'oxygène dans le processus. Ce qui veut dire que les plantes vont commencer à pousser un petit peu plus au printemps, pas mal plus en fait. Et ça va enlever du carbone donc de l'atmosphère, ce qui va quand même faire un bon changement à votre environnement. Les plantes vont absorber environ 25% des émissions de carbone que les humains produisent, absorbant plus de 100 gigatonnes de carbone via la photosynthèse à chaque printemps. À cause de ça, le dioxyde de carbone dans l'atmosphère va descendre chaque printemps et l'été. Ensuite, ça va remonter l'hiver quand la plupart des plantes ne pousseront pas. C'est plus facile de trouver des fruits et légumes frais au printemps. Hein, plusieurs fruits et légumes, ben oui, la moisson est au printemps, hein, donc c'est la saison pour apparemment les asperges, les légumes verts, les pois, la rhubarbe et d'autres trucs frais comme ça. Avoir plus de fruits et légumes dans ton régime, dans ton alimentation, c'est pas juste bon pour le corps, c'est bon pour l'âme aussi, nous dit-on. Mm-hmm. Une étude de 2016, chez plus de 12 000 Australiens, nous apprenait que lorsque les gens augmentaient le nombre de fruits et légumes dans leur diète, ils se sentaient plus heureux et avaient une meilleure satisfaction de la vie. J'en doute pas. Ben oui. Je te dis tout le temps de manger plus de légumes. Je mange plus de fruits, mais les légumes, j'aime pas tant ça. Je comprends pas comment tu peux pas aimer ça. Ben parce que c'est en comparaison avec les fruits. C'est tellement ouais, bon mais tu peux pas comparer des fruits et des légumes. Ben, je trouve que oui, mais bon. Tu peux pas comparer des pommes avec des oranges, mais tu peux comparer des fruits avec des légumes, non? Ben non, parce que tu compares pas du tout deux choses qui sont la même. C'est deux familles différentes. Ouais. Ouais, t'as peut-être raison. Bref, si on augmente ses portions de fruits et légumes à 8 par jour, c'est quand même pas mal, 8 portions oui. par jour. Les gains psychologiques sont équivalents, chez les gens, c'est l'équivalent de passer de sans emploi à avec emploi. La marge entre les deux de satisfaction de la vie. Pas pire, hein? Évidemment, les fleurs qui poussent aussi, hein, qui reprennent leur place. Mm-hmm. Une étude de 2008 de patients dans les hôpitaux nous apprenait qu'avoir des fleurs dans la pièce, ça faisait que les gens se sentaient plus positifs et ça réduisait leur douleur et leur anxiété. Ah. Une autre étude de Rutgers University nous apprenait que lorsque les étudiants se faisaient présenter un bouquet de fleurs, les scientifiques disaient que ça montrait un vrai sourire 100% du temps et non pas un faux sourire comme tu fais des fois comme un vrai sourire. Oui, oui, oui, un vrai de vrai. Ça avait des effets immédiats et à long terme. Donc on parle d'une meilleure humeur à travers la journée. Tu peux évidemment reprendre tes exercices à l'extérieur. Des fois, l'hiver, on arrête de courir dehors. On s'entend que c'est pas super plaisant des fois. Surtout avec les rues si peu déblayées de notre belle ville. Hein? Mais bref, c'est important apparemment de marcher dehors. Donc une étude de 2011 comparait la marche intérieure à la marche extérieure. Et la marche extérieure augmentait les niveaux d'énergie, faisait que les gens se sentaient revitalisés, ça descendait la tension. Il y avait tout plein d'autres éléments positifs, des effets positifs. Les gens qui s'entraînaient à l'extérieur avaient tendance à dire qu'ils aimaient plus l'expérience et qu'ils avaient plus de chances d'y retourner et de le refaire. suggérant qu'utiliser la nature comme gym pourrait vous aider à garder votre rythme d'entraînement. C'est pas pire, hein? Ça pourrait être la même chose l'hiver, mais c'est plus difficile. Ensuite, pas t'en faire trop pour l'air sec. OK. La saison de la grippe commence, bon, l'automne, l'hiver, il y en a pas mal, beaucoup. Le pic est en décembre jusqu'à février, ça descend un petit peu pendant le printemps. Le changement saisonnier, bien sûr, et le changement de l'air sec et de l'air humide. Mm-hmm. Les températures froides veulent dire qu'il y a moins d'humidité et les chauffages intérieurs ne rendent l'air que plus sec. Donc, le manque d'humidité dans l'air peut assécher la peau et les cavités nasales, ce qui peut mener à des segments de nez, des sinus irrités, un plus grand risque de tomber malade. Étant donné que le mucus dans ton nez est fait pour emprisonner les virus, lorsque ça sèche, t'as plus de chances d'attraper quelque chose de pas bon comme la grippe. Alors que la température monte et que tout redevient un petit peu plus humide pendant le printemps, le mucus va revenir. Et alors que la saison va continuer, non seulement est-ce que vous allez pouvoir arrêter de mettre de la lotion partout pour empêcher que votre peau soit sèche, mais en plus, vous allez pouvoir peut-être tasser les mouchoirs, hein? À moins que vous ayez des allergies printanières. Ben oui. Les merveilleuses allergies printanières. Elles s'en viennent. Fais attention. Ouais. Tu peux recommencer à ouvrir tes fenêtres. On parle encore davantage du printemps. C'est une petite liste de trucs scientifiques du printemps. La température un petit peu plus calme, ça pourrait être plus facile d'ouvrir les fenêtres et permettre à l'air de venir et de ventiler les espaces intérieurs. On dit ça aussi, une raison qu'on attrape le rhume ou la grippe ou peu importe, je sais plus c'est lequel, on s'en fout. Mais que c'est qu'on laisse les fenêtres ouvertes tout l'hiver. Ouais. Il faudrait recycler l'air, le laisser passer. Ben, t'sais, c'est difficile parce qu'il fait froid, encore une fois. Bref, un manque de ventilation peut mener à une concentration d'éléments polluants à l'intérieur, par exemple des produits pour le nettoyage qui pourraient aussi vous donner quelques problèmes, certains meubles ou matériaux, des trucs comme ça, le four à gaz, entre autres, pourrait être une menace pour votre confort, votre santé. L'hiver amène plus de polluants intérieurs comme de l'oxyde de nitrogène, nitrogen oxide, est-ce que c'est ça en français? On va aller voir pour être sûr. Je veux pas dire n'importe quoi, tu sais, des trucs scientifiques, c'est important. Hein? Dioxyde d'azote en français. Oui, ben... Ça ne ressemble pas, c'est pas grave. Bref, une étude de 2016 nous apprend qu'un four qui n'est pas ventilé pourrait être vraiment très dangereux. Oui. Le printemps amène une opportunité parfaite pour ouvrir les fenêtres et faire changer un petit peu votre air. Et pour terminer, sur les raisons scientifiques du printemps, pour lesquelles le printemps c'est le fun, pour les raisons scientifiques du printemps, ça voudrait juste dire pourquoi le printemps existe, ça n'a pas vraiment de sens. C'est qu'on peut avoir ses vitamines plus naturellement. Aha. Ah oui, le soleil fait que ton corps va produire plus de vitamine D, hein, ce qui va t'aider à avoir de meilleurs os. Nous, de notre côté, donc, c'est extrêmement difficile d'avoir du soleil l'hiver. Ça peut arriver, hein, même si on peut s'exposer quand même au soleil, des fois de temps en temps quand il y en a. Mais une étude espagnole nous apprend qu'à Valencia, qui a la même latitude que plusieurs villes en Amérique du Nord, dont surtout aux États-Unis, Philadelphie, Denver, Baltimore et d'autres, les gens avaient besoin seulement de 10 minutes à l'extérieur avec un quart de leur corps exposé au printemps, au soleil du printemps, oui, pour avoir la dose recommandée de vitamine D. Pas mal du tout, ça, le corps de ton corps. Car water of your body. Voilà pour ces 15 raisons pour lesquelles le printemps, c'est bien le fun. On va continuer dans le même domaine un petit peu. Hein. C'est le printemps. On a dit les animaux sortent. Hein. Oui. Des fois, des petites bestioles, comme par exemple une new beetle. Yeah boy. C'était grosse bestiole. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas vraiment de lien à faire avec ça, non, que j'ai essayé d'en trouver. Okay. Mais toi, une New Beetle, Tania? Oui, j'ai une New Beetle. De Volkswagen? Oui, exactement. Das Auto? En effet. Voilà. Donc, on va apprendre quelque chose sur ce petit scarabée mobile. Ben oui. Volkswagen, as-tu entendu ça? Sûrement que ça t'a rendu triste, hein, que Volkswagen a annoncé pour la deuxième fois qu'ils vont cesser la production des Beetles. Ils cessent la production des Beetles, si je me souviens bien. C'est les Beetles manuels. Attends un petit peu. L'article de simplemost.com nous dit que... on a confirmé la nouvelle à Autocar. Attends un petit peu. Plein de détails, plein d'historique sur la voiture. Je veux savoir les vraies affaires. Mais écoute, ça se peut qu'ils arrêtent la production de la Beetle tout simplement. C'est chose possible. Ouais, c'est ça. Bref, l'article est trop long pour que je le sache, mais je sais pas. Ça dit que ça arrête les New Beetle. On va se renseigner tout à l'heure. Mais pour l'instant, on veut savoir quand même qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces voitures allemandes-là. Hein? 10 petites choses qu'on a à savoir sur ces voitures allemandes. Voiture qui, d'ailleurs, a déjà été nommée une des 4 meilleures voitures du siècle. Oui. Quand même. Hein? T'as bien raison. Ça arrête à la fin de 2018. Ah, en fait. Merci. T'es meilleur sur le Google Fou que moi ce matin. La rumeur que la New Beetle a débuté grâce à Hitler Oui. Ben, c'est pas mal vrai, finalement. Ben oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelait la voiture du peuple. C'est ça, parce qu'il y en a qui pensaient que c'était peut-être un mythe. Eh bien non, mais c'est vraiment vrai. Adolf Hitler est vraiment l'homme derrière la Beetle. Ouais. Le dictateur voulait que les familles allemandes soient capables de se permettre une voiture. Donc, il a demandé à Ferdinand Porsche, mm-hmm. hein, oui, c'est le gars des Porsche, quand même, de faire, comme tu l'as dit, la voiture du peuple. Mais la base de la Beetle existait avant les demandes de Hitler. La Bug, comme on l'appelle, était influencée par la V-Series de Porsche. Les rumeurs disaient que Hitler avait directement fait le design de la voiture, ça c'est probablement non, faux. Non, ouais, c'est ça. C'est quand même celui qui aurait dit apparemment que ça devrait avoir l'air d'un scarabée, donc d'une petite bestiole, hein, en observant la nature pour savoir comment la nature est parfaite. Hein? Tu comprends quand même, il y a des bons points des fois, hein, Hitler? Ouais, ouais, ouais, ça fait plusieurs fois que je dis que faut pas le dire, par c'est un fou, mais c'était un fou très intelligent. Voilà. Bref, selon les articles, apparemment qu'il avait juste régurgité des informations qu'il avait lues dans un magazine. Donc peut-être que c'était pas chose possible, lui l'intelligent, mais il savait où prendre ces informations, peut-être. Une chose est certaine, oui, Hitler quand même a placé l'usine de Porsche à Wolfsburg en Allemagne. Les Américains, par contre, n'étaient pas impressionnés par la Beetle. Non. Ils n'aimaient pas trop les choses qui étaient importées de l'Allemagne. Donc, les Américains n'aimaient pas la Beetle lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis en 1949. Seulement, combien de voitures New Beetle ont été vendues pendant la première année? Deux. Ouais. Deux. C'est pas un succès incroyable dès le départ. Non, mais après ça, ça a quand même fini par bien aller parce que dans les années 60, il y avait des centaines de milliers de ces Volkswagen New Beetle. C'était la New Beetle à l'époque, sûrement juste la Beetle. Hein. Non, la New Beetle. New Beetle dès le départ. Ouais. Ah, OK. Bref, 570 000 ont été vendus en 1970. Ah ben tiens, justement, on l'appelait pas la Beetle ou la Bug à l'époque, au tout début. C'est le public qui est à remercier pour le surnom de cette voiture-là. À l'origine, on l'appelait la Volkswagen Type 1. Ah. Ouais, et les courbes de la voiture et son dessus arrondi ont mené à ce qu'on l'appelle plus tard, par le dos de l'insecte, donc le scarabée. Volkswagen a dû réaliser qu'ils avaient quelque chose de bien entre les mains parce qu'ils ont commencé à faire référence à la voiture en tant que la Volkswagen Beetle à la fin des années 60. Donc oui, c'était la Beetle, pas la New Beetle. Mm-hmm. New Beetle, c'est la version plus récente. La voiture a eu quelques surnoms adorables dans d'autres pays. Le Royaume-Uni et les États-Unis, ce n'étaient pas les seuls pays à avoir donné un surnom à la Volkswagen Type 1. En France, évidemment, bon, on l'appelle la Coccinelle, c'est pas mal, tout le monde sait ça. Maggiolino et Fusca en Italie et au Brésil, ce qui veut dire les deux scarabées. Mm-hmm. Le Mexique l'appelle Vocho. C'est Pita en Bolivie, ça veut dire tortue. Ou Kodok en Indonésie, ce qui veut dire grenouille. Donc pas mal, tout le monde choisit un animal différent, mais qui a le dos courbé. Ça? Oui, ça ressemble à ça. C'est ça. Ça a pu être, je sais pas, c'est qui dans le bossu de Notre-Dame qu'on aurait pu l'appeler. Oh boy! Ensuite, Think Small a été voté comme la campagne de publicité du siècle. Think Small, en 1999, Advertising Age a déclaré que la campagne publicitaire de la voiture était la meilleure campagne des 100 dernières années, battant Coca-Cola, Marlboro, Nike et McDonald's. Le concept qui, selon Advertising Age, donnait à la publicité la permission de surprendre, de défier le classique et de rendre le client plus engagé, sans le frapper en pleine face avec le produit, ce qui a changé l'industrie des voitures. La campagne Think Small et son texte, un petit peu qui riait de lui-même, hein, a été écrit par Julian Koenig, qui est responsable aussi pour la journée de la Terre, qu'on appelle la journée de la Terre. C'est grâce à lui qu'on appelle ça comme ça. Mm-hmm. Earth Day, c'est lui qui a déterminé ça. C'est lui aussi qui a eu l'idée du slogan de Timex, It takes a licking and keeps on ticking, très connu aux États-Unis et ailleurs. Il est aussi responsable pour sa fille Sarah Koenig, qui, elle, participe à l'émission This American Life. Elle a aussi animé la balado-diffusion Serial dans les dernières années. Ensuite, les Beatles et la culture populaire, ça va main dans la main, étant donné l'esthétique particulière. Ça a été associé avec plein de choses. Les Beatles, le groupe de musique, les Transformers. D'ailleurs, la Beetle, avec une plaque d'immatriculation LMW281F, IF. Et sur la couverture de l'album Abbey Road des Beatles, elle s'est vendue aux enchères pour 23 000 $ US en 1986. Présentement, elle est au Automuseum de Volkswagen, au quartier général de la compagnie à Wolfsburg, en Allemagne. Le Fremont Troll, c'est une sculpture à Seattle, c'est une grosse statue sous le pont Aurora, avec entre ses mains une Beetle de Volkswagen. On montre que dans les vieilles photos que la voiture a déjà été rouge, mais là elle l'est plus. Ça contient aussi une capsule temporelle d'articles d'Elvis. Ça a été volé par contre. Oui, ça je me rappelle. Qu'on tenait. Ensuite, la série Herbie the Love Bug, qui était un grand succès pour Disney à la fin des années 60, début 70. Un des Herbie d'origine s'est vendu pour 126 500 $ US aux enchères en 2015. Ouais. C'était voulu. C'est ça. Dans le dessin animé original des Transformers, Bumblebee se transforme en Volkswagen Bug. La voiture a plus tard été changée en Camaro pour les films avec des humains. Ouais. Évidemment, pour une opportunité marketing. Franchement. Ouais, ouais, c'est ça. T'sais, a changé un classique dans même. Voyons. Hey, boom, minute, là. Ensuite, lorsqu'on parle de la Blumenvasen, est-ce que tu connais le Blumenvasen? Je suis pas certaine. C'est un petit vase qu'on pouvait attacher. Ah mon Dieu, dans lequel il y a des fleurs. C'est ça, sur le dash, ouais, ou sur ouais, la, ouais, la grille de haut-parleur ou sur le pare-brise ou peu importe. C'était en porcelaine. Ah, ça, à je savais pas. Ouais. Donc, c'était un petit clin d'œil au, au Flower Power, qui est devenu un symbole de la voiture, qui a été incorporé dans le redesign de 1998. C'est à partir de là que c'était la New Beetle. Tristement, dans la plus récente version, ça a été éliminé en 2011 par les gens du marketing qui apparemment voulaient rendre la voiture un petit peu plus proche des sensibilités masculines. OK, oui, depuis 2011, parce que moi, j'ai une 2004. Et ma mère avait une 92. Mm-hmm. Elle a toujours, en fait, la 92. Et puis, les vases sont toujours là. C'est juste qu'ils sont pas en porcelaine. Ah. Mais t'achètes ta Beetle, puis ils te l'offrent de en mettre plastique. Des fleurs dedans. Ouais. Arrête donc! Ouais. Ah, mais c'est dommage le fun, ça. Ouais. Ah, j'aime ça. Mais bref, 2011, il n'y en a plus. Non. Et pour tout ça, pour rendre ça plus masculin en tant que tel, la voiture reste la même. Fait qu'es-tu vraiment plus... Je ne m'aventurerai pas sur le sujet de dire ce que je voudrais penser. Ah, j'aimerais ça, par contre. Voyons, retiens tout ça. OK, mais déjà, à la base... Un homme qui va conduire une Volkswagen Beetle. Tu le juges? Non, je le juge pas. Non. Je trouve pas ça super viril. Ouais, non, OK. Mais j'accepte entièrement qu'un homme puisse conduire une Volkswagen Beetle. Okay. Là. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Mais c'est que ça l'a vraiment été longtemps associé comme une voiture de femme. Ouais. Ça l'a été associé comme la voiture du peuple, oui, quand elles étaient toutes noires, là, mais ouais, du moment qu'ils ont sorti jaune et verte pomme, là... Je suis désolée, là, mais c'était pas mal juste des femmes qu'il y en avait. Là. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie de Poisfleur? Je pourrais pas te dire. Moi, j'ai encore le mien. Ouais. J'ai pas vu... c'est sûr, j'en croise sur la route des fois. Et en passant, ceux qui ont des Volkswagen Beetle, c'est comme les gens qui ont des motos. Ouais. Vous vous saluez. Parce que c'est très rare maintenant que les gens possèdent des Volkswagen Beetle. Mais j'aimerais ça en avoir une. Pour vrai, c'était pas du fait que je me ferais juger par toi. Ah non, mais je juge personne, là. Je vais me prendre une PT Cruiser à la place. C'est pas mal à me faire. Oh boy. Non, ensuite... achète une Beetle. Ah ouais, OK. Ensuite, c'est la marque. Oui. En tout cas. Ouais. Ouais, hein. C'est pas, beau, c'est pas la même compagnie, non. Mais c'est beau. C'est ben, ouais. Volkswagen qui a marqué des occasions spéciales avec des New Beetle seuls et uniques en oui, leur genre. Lorsque la millionième Beetle est sortie de la ligne... d'usine en 1955, la compagnie a plaqué la voiture dorée, hein, et lui a donné des accents de diamant. Ouais. Ils ont aussi créé une bug avec un corps plus large en collaboration avec Thomas Heinrich, qui est un fabricant de paniers. Oui. Un panetier, ça se situe? Un fabricant de panier. On va dire un fabricant de panier, c'est pas mal plus simple. Les compagnies britanniques ont refusé l'opportunité de fabriquer la Beetle. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'usine de Volkswagen à Wolfsburg, en Allemagne, était supposée donner les rênes aux Britanniques, mais aucune compagnie britannique qui voulait prendre la responsabilité de cette compagnie-là, en disant que la voiture ne rencontrait pas les éléments requis techniquement pour une voiture motorisée. Ouais. On dit que ce n'est pas attirant pour l'acheteur moyen et que pour construire la voiture commercialement, il faudrait beaucoup trop d'argent. Ce serait pas économique pour nous. Ouais, voilà. Ça mord les doigts aujourd'hui? Il ferait pas d'argent avec ça. C'est ouais, probablement. Et la dernière des Beetles est dans un musée. La Beetle numéro 21 529 464, celle célébrée avec un band de mariachi, est maintenant au Auto Museum de Volkswagen. Elle est vraiment... mais vraiment très belle. Très jolie. Un genre de blanc-gris pâle, ouais, si on veut. Très, très jolie. Mais tu vois, ça, c'est vraiment l'origine. Oui. T'as le design, puis t'as eu une deuxième version. Moi, en 2004, je suis tombée dans la deuxième version. Okay. Mais si on regarde, par exemple, celle de ma mère en 1992, ça ressemble beaucoup plus à celle-là. Okay. Ça ressemble vraiment aux premières, là, qui... À la pas nouvelle, là. Un petit peu comme... ouais, c'est ça, exactement. Un peu comme on voit dans les films. Oui, il y en a une qu'on voit dans un film de course automobile. Ouais. Clint Dillowen, en tout cas. C'est, je crois, le remake de Herbie Fully oui, Loaded. Oui, c'est ça, exactement. Dont on parlait tantôt, l'original, mais quand même... tout à fait. Ben, ce modèle-là, ça a vraiment été le premier modèle des Volkswagen. Ouais. Puis il y a le modèle vraiment récent qui est pas beau. Qui est pas beau! Ben moi, en tout cas, je le trouve pas beau. Là, je trouve qu'on perd vraiment beaucoup l'essence de ce à quoi ressemblait la New Beetle dans le temps. Ouais. Le film Herbie Fully Loaded en français s'appelle La Coccinelle Tout Équipée au Québec. Ah oui, en c'est France, ça. En France, La Coccinelle Revient. Tu vois, moi, je l'ai jamais vu, puis ça manque pas à ma culture générale. C'est un remake du film Un amour de coccinelle à l'origine, The Love Bug en anglais. Voilà pour cette section de son foutu palmarès. On écoute une nouvelle entrée anglophone. Voici Kristen Muir avec Rockwood Asylum. Tout de suite, Assemblage requis. Allongé en porte du firmament. aime beaucoup dans le palmarès francophone, c'est Canular avec Serbie de secours. À Assemblage requis, on était dans son foutu palmarès tout à l'heure. Retournons-y quelques instants, pas trop longtemps, mais j'avais une autre liste pour vous. C'est des façons de savoir si quelqu'un vous ment. Oh boy! Tu sais, c'est toujours bon à savoir. Ben, je suis pas sûre, ça dépend, t'es dans quelle situation. Ah, ouais, j'avoue. À vous de voir si vous en servez ou si vous fermez les yeux et bouchez les oreilles. Parce que, tu sais, il y a des gens qui sont quand même bons pour mentir, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Non, des white lies, des petits mensonges pour te protéger. Ben, pas nécessairement pour te protéger, mais en tout cas, peu importe. Ce que tu sais pas te fera pas mal. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, ouais, mais... tu pourrais appeler ça un white lie, j'imagine. C'est pas mal la définition même d'un white lie. Ouais, c'est ça. Les sociopathes et les narcissiques croient savoir mentir. Ils croient que c'est une science, mentir. Ils sont capables de le faire. Ils sont sophistiqués là-dedans. Ben, c'est vraiment une science, c'est mentir. Ça. Et si vous voulez les attraper, ben, le duo père-fille, Dan et Lisa Rybakov, qui sont des experts en crédibilité. Ils font, c'est eux qui s'occupent de polygraphes, entre autres, qui sont certifiés pour les détecteurs de mensonges. Vous les avez peut-être vus à la télé dans différentes émissions de crimes comme ça. Dan est aussi un enquêteur privé. Bref, c'est à eux qu'on a posé les questions et on a sorti une liste. Il y a plein d'informations sur l'article si vous voulez savoir comment fonctionnent les polygraphes, mais allons-y avec la liste de choses à surveiller quand quelqu'un ment. Okay? Pour commencer, ils vont créer une certaine distance physique. Oui. C'est une habitude commune pour une personne qui cache la vérité de mettre une distance physique entre eux et la personne à qui ils mentent, particulièrement lorsque l'autre personne pose des questions. Hein? C'est-à-dire, oui? Je suis désolée à tous ceux qui m'ont déjà posé des questions, je ne mentais pas, c'est juste que j'aime pas votre proximité. Merci. C'est ce que tu c'est juste que j'ai seul le monde qui rentre dans ma bulle. C'est ça. Bref, s'asseoir bien au fond de sa chaise et étirer, tu sais, écartiller les jambes pour essayer de faire une distance entre vous et l'intervieweur, croiser ses bras, avoir une posture sur la défensive, ça pourrait être des signes aussi que tu essaies de mentir. Ensuite, bouger de façon un petit peu trop répétée. Ça va ça fidget des fois. Là. Oui, bon. Clairement. Étant donné que mentir, ça active le système limbique, dont le but est de te garder calme quand t'es stressé. Les menteurs ont de la difficulté à rester assis bien droit. C'est comme si du popcorn était en train d'éclater, puis il faut que tu bouges un petit peu. Là, donc, tu essaies de brûler ton énergie. Je sais pas, t'enlèves peut-être un poil, quelque chose, tu frottes le bras, des trucs comme ça, ce qui t'aide à te calmer. Tu peux frotter ton cou aussi, jouer avec tes cheveux, c'est des signes de mensonge potentiel, surtout si quelqu'un le fait directement après un mensonge. Ensuite, ils évitent le contact visuel au moment du mensonge. Le contact visuel, c'est intime, ça te rend vulnérable et plusieurs menteurs sont pas capables de regarder les personnes dans les yeux. Hein? On dit qu'ils vont souvent maintenir le contact visuel en faisant exprès jusqu'au moment où ils vont donner une mauvaise réponse, un mensonge, et là, ils vont tout de suite éviter le regard. Le polygraphe va souvent révéler ces changements physiologiques-là qui suggèrent que la personne ment. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles une personne pourrait ne pas faire le contact visuel, par exemple, être sur le spectre de l'autisme. Donc là, il y a quand même des désordres psychologiques qui peuvent être attachés à ça, mais en gros, pour une personne qui n'a pas ces problèmes-là, ça va être un problème. Hein? De toute façon, lorsqu'ils font un polygraphe, on nous rappelle qu'on a un petit test pour établir le comportement normal. Oui. Pour faire une baseline qu'on appelle, pour voir la différence pendant le mensonge versus ton comportement normal, si on veut. Ensuite, ils vont répondre à une question avec une question. Ouais, un menteur ne veut pas dire directement qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Ils vont essayer d'éviter. Ils vont te poser une question à toi ou à partir sur un autre sujet complètement. Ne pas répondre directement est tout de suite un signal d'alarme. Une personne innocente va souvent juste dire non lorsqu'on leur demande s'ils ont fait quelque chose de mal. Une personne coupable va avoir de la difficulté à dire non. Et lorsqu'ils ne répondent pas à la question, ça pourrait potentiellement être un mensonge. Ensuite, ils vont un peu dire n'importe quoi et essayer de blâmer quelqu'un d'autre. Tu sais, quand tu te mets à parler, mais pour rien dire. Ouais. Si on veut, c'est du blablabla qui sert à rien. Donc, c'est un autre conseil de truc à surveiller. Ils vont partir sur une tangente. Ils vont dire des informations pas importantes. Ils vont essayer de blâmer quelqu'un d'autre. Dan, notre enquêteur de tantôt, qui travaille aussi pour le Steve Wilkos Show, le talk show où les gens mentent des fois. Hein. Donc, il a surveillé une situation où un employé d'un hôtel se faisait accuser d'avoir volé de l'argent dans une chambre d'hôtel. Il a polygraphié toute l'équipe au complet de l'hôtel parce que c'était de l'argent qui avait été volé dans un coffre-fort et seulement l'équipe avait accès à ça. Lorsque Dan a posé une question à l'accusé employé, l'homme disait être innocent et a mis le blâme sur sa gérante Kara et un autre employé nommé John. Et lorsque Dan a dit « Est-ce que t'as pris l'argent? » Il a dit « J'ai pas pris l'argent, c'est Kara qui était en train de préférer John parce qu'elle a grandi avec puis c'est son meilleur ami, blablabla. » Donc, John a passé le polygraphe alors que l'employé qui était coupable, lui, l'a échoué. Mmh. Tu vois? C'est très facile, apparemment, pour ceux qui sont dans le domaine, de remarquer quand quelqu'un blâme quelqu'un d'autre trop rapidement. Hein? Alors, ensuite, ils vont raconter une histoire qui n'arrête pas de changer. L'histoire oui. change à chaque fois qu'on raconte l'histoire quand on ment. Ben là, c'est encore une autre histoire, ça me semble pas de la lire au complet. Là. Mais bref, l'histoire change toujours. Et souvent, il y a des trucs dans l'histoire qui n'ont pas vraiment de sens, des trucs qui peuvent pas vraiment être vrais. Hein? Ah, ben oui. Quand même. Ensuite, ils vont montrer quelques symptômes physiques, par exemple, que tu vas te lécher les lèvres. Mm-hmm. Hein? Lorsque tu. Dans le fond, tu vas moins inspirer. Tu vas respirer moins profondément quand tu mens. Ton visage va devenir rouge et tu vas commencer à suer aussi. Tu pourrais te lécher les lèvres parce que la digestion arrête lorsque tu te sens vraiment très, très stressé. On dit que ces symptômes-là peuvent arriver aussi si tu as vraiment peur ou que tu as un problème avec l'autorité. mais quand même, ça va bien. C'est pour ça que la baseline va être déterminée avant de poser des questions sur ton mensonge. On va te poser des questions faciles pour voir si c'est vraiment le fait que tu es intimidé par les policiers qui va te faire avoir ces symptômes physiques-là. Bref. C'est ça, ça demande beaucoup d'observation, mais si vous avez maintenant les petits symptômes à surveiller, ça pourrait aller mieux pour voir si quelqu'un vous ment en pleine face. Hein? On dit d'approcher tes questions comme si c'était une entrevue et non pas une interrogation si vous voulez avoir la vérité des gens. Voilà. C'est tout pour ce bloc de son foot palmarès pour vrai cette fois-ci. Maintenant, on transitionne très très subtilement vers le bloc des palmarès, c'est fou. Pas la bonne intro par contre. Non. Je veux pas te dire quoi faire, mais c'est pas cette intro-là en fait. Okay. Mathieu, c'est le réalisateur ici. Là. C'est trompé d'intro. Où est-ce qu'elle est, mon intro? Elle est là! Ah, voilà! Ça, j'ai menti, c'est pas vrai qu'on a un réalisateur. C'était ma faute, ça paraissait. Bref, les palmarès, c'est fou, oui, très négligé comme toujours. Et aujourd'hui, on va savoir enfin si les numéros 1 de la semaine d'il y a deux semaines étaient toujours les mêmes la semaine passée. Parce qu'on a encore une chronique mm-hmm. de retard, les palmarès, c'est fou. Donc, ça va être les numéros 1 pour la semaine du 12 au 18 mars 2018. On rappelle que la semaine précédente, les numéros 1 étaient Corridor et Allo Mode avec le numéro 1 francophone et en anglophone, c'était The Rubens. Donc, on va entendre tout de suite si ce sont les mêmes numéros 1 dans le bloc des palmarès, c'est fou. première position. Oh, C'était les numéro 1 pour la semaine du 12 au 18 mars 2018. On a commencé avec le numéro 1 francophone, Corridor et Allo Monde, avec deux cœurs sur l'album Deux cœurs. Et c'est la deuxième semaine de présence, donc 2-2-2. Et en numéro 1 anglophone, c'était Queensland avec Choke sur l'album Queensland EP. Eux ont remplacé The Rubens au sommet, mais Corridor et Allo Monde restent en tout cas en date du 12 au 18 mars. On a un nouveau palmarès qui commence aujourd'hui. Alors qu'on va savoir d'ici la fin de la semaine ou la prochaine fois, si ça tient toujours. Je promets toujours que ça va être d'ici la fin de la semaine, puis c'est tout le temps l'autre après. je mens sans cesse. Par contre, je dis la vérité en vous disant qu'on a une nouvelle entrée du palmarès anglophone en, de The Franklin Electric. Tu te souviens? Oui, c'était bon ça. C'était très bon. Hein? On les écoute de Franklin Electric avec Are We Together Now? Nouvelle entrée. Ah, son argent qui. I wanna know what it means to be sinking down. I want a piece of the pie, I want a secret. I wanna taste, wanna touch, wanna teach it. Feels like the boys and girls are telling secrets. I wanna scream it out, I'm calling to the spirits. I wanna feel like a bird in a cage, just a phone call away as I'm talking to my own self. Franklin Electric avec Are We Together Now? Ah, son âge. Ok, on prend une pause au retour. Surprise! Ouh, on vous dit pas ce que c'est, mais c'est cool. Assemblage anti pour toi aujourd'hui. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 19 mars 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, Tania qui est enfin de retour. Ouais, ben oui. Et sa voix, elle s'en vient pas pire, hein? Ça s'en vient pas pire. Il y a encore des bouts qui manquent par moment, là, tout dépendant de qu'est-ce que je dis, à quel niveau est-ce que je le dis ou comment est-ce que je ris. Elle a dit qu'il faut pas qu'elle rie, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Sinon, on perd.

was making music with my friend. And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. Aujourd'hui. Sur la Foki, on se lundi 19 mars 2018, elle est Tania Bonin. Et Mathieu Plante. Oh oui, dans quelques instants, tu vas nous faire ta chronique Tania is gonna entertain you. Oui. De quoi tu nous parles pour cette première chronique? Bien, je vous l'ai dit, on allait parler d'intelligence, mais là, je vais vous parler d'intelligence, mais aussi de caractéristiques physiques. Donc, il va y avoir un certain lien entre tout ça, vous allez voir. Moi, j'ai bien hâte. Uh-huh. Mais avant ça, on écoute Hine. Avec feu de paille. Hine. Je sais pas ce que ça veut dire. H-I-N-I-N. Feu de paille, peut-être Hinin. Je sais même pas s'il chante en français. Tout le long de la chanson, j'essayais d'entendre les paroles, mais je ne comprends rien. La mélodie est entraînante. Oui, quand même. Ça, on peut pas dire le contraire. Ça te prend 2-3 cafés avant. C'est ça. Moi aussi, des fois, quand je chante, on comprend pas. Ouais. Mais là, je vais essayer de me forcer pour qu'on comprenne. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania

notre situation physique va changer, mais ça va aussi avoir une répercussion directe avec notre cerveau. Quand tu commences à dire on a juste une vie à vivre, c'est YOLO. C'est exactement ça. À 20 ans, c'est correct, tu peux te le dire, ouais. Mais te garder en forme pareil, rendu à 50, un peu plus difficile. Donc, l'utilisation des drogues aussi, mais de façon négative, c'est associé bien évidemment à des mesures du volume cérébral là, qui va engendrer certains câblages assez difficiles au niveau du cerveau. Mais les résultats fournissent quand même des nouvelles perspectives sur les nombreux facteurs qui vont influencer l'intégrité du cerveau chez les patients qui sont atteints de psychose. Donc, on va peut-être avoir une facilité plus grande à rejoindre ces personnes-là si on est capable de leur expliquer pourquoi ils ont ces épisodes-là. Ouais. Donc, on va essayer de fournir, en fait, avec cette étude-là, des preuves du besoin d'intervention psychologique, du besoin d'intervention physique aussi, parce que la plupart du temps, les gens vont tout simplement délaisser un côté pour vraiment travailler sur un autre côté, quand on ne se rend pas nécessairement compte que les deux sont liés vraiment pour avoir une bonne santé mentale. Donc, les patients qui sont atteints de psychose ont souvent de multiples problèmes de santé qui vont nuire à leur fonction quotidienne. C'est difficile de faire tout en même temps, prendre soin de chaque domaine. Exactement, tout à fait. Donc, on réduit en fait un petit peu notre espérance de vie par rapport à la population générale lorsqu'on ne se concentre pas nécessairement sur les deux. Lorsqu'on veut améliorer le bien-être, que ce soit physique ou mental, je pense que c'est pas mal ce qu'on veut dans la vie en général. Donc, si on décide de justement faire un changement au niveau psychologique et un changement au niveau physique, et à ce moment-là, il y a de fortes chances que les épisodes de psychose pas nécessairement s'éloigner, pas nécessairement non plus disparaître, mais on va avoir une amélioration du bien-être du patient en partant. Donc, automatiquement, on va peut-être avoir une plus grande facilité à lui faire comprendre les soins qu'on devrait peut-être lui donner. Lui prodiguer. À ce niveau-là, peut-être que les patients auraient une meilleure réception aussi de ce qu'on leur dit pour avoir un meilleur bien-être. Wow. Voilà. Wow! Intéressant. Très intéressant. Antoine? J'ai une question pour vous, en fait. Ouais. Vous allez voir le lien, OK? Le lien, il n'est pas facile. Faut le chercher. Mais il est là. Est-ce qu'il faut qu'on te dise c'est quoi le lien à la fin? C'est ça la question. OK, ben, vous allez comprendre, vous allez me suivre. OK. Question à 100 $. Vous connaissez ASIC, les souliers de course? Oui. ASIC? Oui. Que signifie ASIC? Oh mon Dieu, hey, c'est une bonne question, ça. Juste un rapport avec tu vas voir, c'est un lien. C'est un lien avec ce que tu dis. Okay. Donc, non, je ne parle pas sur un autre sujet. C'est pas en français, ce soir, c'est pas en français. C'est dans l'attaque. Ben ça doit être justement l'équilibre entre le physique et le mental. Ça doit être ça. Hein. Asymétricus. ASIC. Est-ce que c'est A Z I K A S I C S. Je pense. Ouais. J'ai toujours pensé que c'était basic parce que le A ressemble à un B. Ouais, mais moi aussi, je pensais que c'était OASIC. Ah, tu vois? Oui, ben moi aussi, je pensais que c'était ça, mais non, c'est pas ça partout. ASIC. On l'a pas vu. Ben moi, je vais y aller avec mon équilibre physique et mental. L'équilibre physique mène vers un équilibre mental. Oh, hey, c'est bon ça. OK, et maintenant, roulement de tambour. Animas sana. Incorporer sano, un esprit sain dans un corps sain. Donc, en fait, c'est ça, c'était pour faire un pont, en fait. Si j'ai bien compris, oui, l'ensemble oui, des ça. C'est vraiment d'avoir une condition corporelle ou physique en bon état pour avoir... Non, c'est ça, en fait. Une leçon de latin. J'ai vraiment été loin dans... c'est bon. Mais c'est vrai. C'est vraiment cool. Anima sana incorporé sano. Ben moi, je savais pas ça. Pas ASIC. Pourquoi t'as retenu le latin de ça? Parce que j'ai travaillé longtemps au Sport Expert. Puis, tu vois, ça me surprend pas. le représentant ASIC se donnait une joie, en fait. Parce que c'est vrai que c'est quand même le fun d'arriver et dire « Hey, savez-vous ce que ça veut dire, ASIC? » Un petit fait intéressant. Un petit fun fact. Là. C'est ben, fun, si c'est... ça peut t'aider à les vendre. Hein? C'est ça. Non, mais un esprit sain dans un corps sain, puis c'est le fun parce que c'est une leçon de vie que tout le monde devrait On s'entend qu'il ne faut pas non plus délaisser le fait qu'il y a certaines choses qui sont génétiques aussi, certains dérèglements aussi. Ouais, c'est pas aller courir 12 km pour plus avoir d'épisodes psychotiques. Tu peux pas t'en sauver nécessairement, mais tu peux peut-être aider l'avant. C'est ça, exactement. Si tu peux améliorer favoriser, ta situation, en fait, favoriser tes chances de ne pas tomber dans un épisode psychotique. Exactement. Mais, c'est un peu ça qu'on veut mettre de l'avant. Oui. C'est ce que tu dis aussi. C'est au niveau, par exemple, de l'entretien. Oui. Disons, la musculation intellectuelle, de lire, s'alimenter intellectuellement, ça éloigne un petit peu la vieillesse, ça éloigne un petit peu la... tout à fait. Hashtag foodie. Ouais, bon, scroller sur Instagram, c'est pas vraiment faire travailler son cerveau, là. Des vieux de 70 ans qui prennent en photo leur, leur livre. Oui, oh mon Dieu. C'est le fun, ça. Porn food. Ça, ou leur jello à l'hôpital. Hey, arrête de parler en mal du jello, OK? Je l'ai déjà dit. Tout le temps en mal du jello. Bref, on a parlé d'épisode de Psychose. Est-ce qu'on écoute un extrait du prochain épisode de Psychose? Allons-y. Voilà. T'as parlé, Talia, du fait que le cerveau, c'est ton organe préféré. Je pense que... Ouais, je pense que le cerveau, c'est mon organe préféré, vraiment. J'aime beaucoup lire là-dessus. La neurologie, ouais, moi aussi, c'est quelque chose ça. Qui m'intéresse beaucoup. Psychologie, neurologie, tout ce qui est... C'est hors de notre contrôle, mais en même temps qu'on peut... On peut se renseigner dessus. Oui, exactement. Parce qu'on peut pas contrôler le reste. C'est fou. C'est drôle parce qu'on a des indices, on a des pistes sur le cerveau. Mais est-ce qu'un jour, on va réellement le comprendre? Parce que chaque cerveau est différent. Ouais, quand c'est ça l'affaire. Et tout le temps, mettons, il y a une pluralité de possibilités par rapport au cerveau. Ah oh, ouais, c'est plus fou. Tu regardes, il y a des publicités à télé, genre de médicaments pour améliorer ton cerveau, tu sais. Comme si ça allait vraiment genre te rendre intelligent. Ben OK. Mais je pense pas que c'est pour te rendre intelligent, je pense que c'est plus pour la concentration à ce que tu fais qui pourrait justement te rendre un peu plus intelligent. L'huile de poisson, j'avais déjà entendu dire. Les oméga 3, exactement, peut-être la reconstitution des neurones. Exactement, c'est vraiment ça en fait, c'est la concentration, c'est le fait que ton cerveau ne sera pas nécessairement amené à s'élancer sur un autre sujet et tu vas vraiment rester concentré. Et comme on dit, un corps en mouvement reste en mouvement, fait que si ton cerveau reste en mouvement, actif, tu vas peut-être le garder plus longtemps en forme. Oui, hein? Faites attention aux commotions cérébrales. Ouais, ben allez pas jouer au football. Pas trop de mouvement, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Tu savais que tu peux faire une commotion en échouement, fait que le football, c'est vraiment extrême aussi. Ouais, non, c'est sûr. Oui, tu peux aussi souffrir de, je crois que c'est un anévrisme en te faisant couper les cheveux par l'avant, les cheveux par en arrière sur la coiffeuse. Mais c'est pour ça qu'il faut bouger, tu sais. Ça fait peur. Bref, la question que je t'ai posée à l'origine était ton organe préféré, c'est le cerveau. Donc, je te dédie la chanson de Super Organism. Oh. Voici Everybody Wants to Be Famous. Assemblage requis. Feeling like a boss and staring at the stars. It doesn't matter the cost, 'cause everybody wants to be famous. I'm calling the shots, so see you over a bar. Doesn't matter the cost. Seems like everybody wants to be famous. I think it could be me. The world's too small for me. It's up in your face. My face on every screen. Feeling like a boss and staring at the stars. It doesn't matter the cost, 'cause everybody wants to be famous. I'm calling shots, so see you over at Mars. It doesn't matter the cost, seems like everybody wants to be famous. I think that you and I could set the world alive. Could hear all stars tonight. Just need to figure out why. You're running your blocks, staring at the stars. It doesn't matter the cost, 'cause everybody wants to be famous. I'm calling the shots, so see you over at Mars. It doesn't matter the cost, like everybody wants to be famous. Everybody wants to know, nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants to know, nobody's ashamed. Everybody wants one. Wants to be famous. Everybody wants to know, nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants to know, nobody's ashamed. Everybody wants one. Wants to be famous. Everybody wants to know, nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants to know, nobody's ashamed. Everybody wants one. Wants to be famous. famous. Ça peut penser un petit peu du MIA. Ah ouais. Super Organism avec Everybody Wants to be Famous à Assemblage Requis. Maintenant, c'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! C'est les instructions d'assemblage. On se donne un petit peu des conseils de vie. On essaie de mieux vivre, même si on va pas nécessairement tous les suivre. Moi, en tout cas, j'en suis maximum un par chronique. Ah ouais? C'est rare que je sais même pas si j'en ai suivi un depuis le début qu'il en est même pas. OK, OK. On va commencer avec les amateurs de Pokémon. Hey boy, là, c'est sûr, tu me perds. C'est sûr, je suis pas ça. Moi non plus, je suis pas vraiment ça. Mais il y a un Pokédex qui fonctionne avec intelligence artificielle. Un Pokédex, c'est un index de Pokémon. Oh boy! C'est comme une encyclopédie de Pokémon. C'est vrai? Ça existe. Ça existe. Qui identifie les Pokémon par la caméra de votre téléphone cellulaire. Hey, wow. C'est pour les téléphones Android. Donc, il y a une vidéo démonstration sur assemblagerequis.com. Ça s'appelle DeepDex, D-E-E-P-D-E-X. Donc, ça fonctionne par intelligence artificielle. Ça utilise en fait un réseau qui identifie un Pokémon via la caméra de votre appareil. Okay. Que ce soit un Pokémon à la télé ou dans la vraie vie, un jouet, un animal en peluche, un autocollant, DeepDex va pouvoir te dire en un instant quel Pokémon que c'est, même si les fans de Pokémon en tant que tels connaissent déjà tous leurs Pokémon. Mais c'est ça, c'est babou. On est capable de faire ça, pas capable de trouver de cure au coffre. Tu peux faire plusieurs choses dans la vie. C'est une blague, là. C'est juste quelque chose de tellement inutile. Ouais, moi aussi, moi mais aussi. C'est seulement pour les toutous, les peluches. C'est autocollant, c'est... émission de télé dans la vraie vie. Hey, mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone à scanner tout autour de toi pour trouver un Pokémon? Mais quand est-ce que tu vois réellement des Pokémon? C'est ça, parce que moi, un Pokémon. Des autocollants, des. C'est ça. Faut que tu ailles entre 8 et 15 ans. Mais mettons, t'es en train de jouer à Pokémon Go, OK? Puis là, tu vois un Pokémon. Ça va te le dire, c'est quoi le Pokémon? Oh, mais c'est, exact, c'est ça. En fait, je vois aucune nécessité. Mais c'est pas grave. C'est mais déjà, en partant, si tu tripes ces Pokémon, t'as-tu vraiment besoin de l'index parce que t'y connais toutes? C'est ça, c'est techniquement, c'est. Il y en a vraiment beaucoup, plusieurs centaines. Oui. On va rester chez. Avec quelle perte de temps, les Pokémon. On va rester chez Android. Tania, toi qui es rendu avec un téléphone Android. Ouais. Antoine, t'as un téléphone. iPhone. Ouais, il me semblait que ça ressemblait à un Apple. iPhone. Apple. Moi aussi, j'ai Apple. Mais Tania a un Android et il y a des affaires que tu peux faire. Mathieu est vraiment tout le temps content de dire que, genre, j'ai changé mon iPhone pour un Android. C'est un petit peu contente de l'avoir fait. Ouais. Oui. Avoue ouais. qu'elle devait s'y attendre vraiment à ce que je fasse oui, ça. Oui. Et ça n'a pas compté du tout. Un pro Apple va toujours rester un pro Apple. Exactement. Excepté Tania. Non, mais elle, c'est juste... Mais c'est parce que je ne suis pas une pro Apple. Je suis juste pro, genre, donne-moi un téléphone pro, qui fonctionne. Pro, un téléphone intelligent. Pro pas cher. C'est ça, donne-moi une Google Map, that's it. C'est ça. Mais bref, Android, vous le savez peut-être, peut faire certaines affaires qu'un iPhone ne peut pas faire. Ouais. Hein? Et maintenant, ben, sur Android, je peux vous parler de comment limiter la sonnerie de votre téléphone à vos contacts favoris. J'aime ça. C'est en modifiant les paramètres du mode ne pas déranger, on peut limiter la réception des appels à seulement vos contacts favoris. Donc, c'est une fonction ne pas déranger qu'on connaît déjà. Ça coupe la sonnerie, ça coupe le vibreur même. Ça s'active depuis la zone d'action rapide qu'on utilise en descendant du haut de l'écran. Bref, vous pouvez aussi rester disponible pour certaines personnes. Donc, en définissant vos contacts favoris. Dans les contacts d'Android, c'est accessible par le menu dédié ou par une icône. On peut rechercher la personne qui nous intéresse, appuyer sur l'étoile en haut de l'écran. Donc, ça va devenir un favori. Et à partir de là, dans le mode ne pas déranger, tu peux activer dans les paramètres de silence la case des contacts favoris uniquement. Vous pouvez aussi désactiver les interrupteurs pour rappel et événement, ce qui est beaucoup plus personnalisable que sur iPhone, où c'est... Ouais. Soyez ouvert, soyez fermé, côté la sonnerie. Ça, c'est tout ou rien. Sauf qu'il y a quand même une option pour que ceux qui vous appellent trois fois de suite. Ouais, plus. Ça va sonner quand même. Mais tu sais, une personne qui va taper trois fois de suite. Trois fois de suite. C'est en train de mourir. La personne est morte, c'est ça. Je veux dire, habituellement, moi, après deux fois que j'appelle, si c'est pas si important que ça, je rappellerai pas la personne. Tu vas y écrire un message, puis il répondra quand il répondra. Ben, exactement, c'est ça. C'est ce que je pense. Ça dépend qui t'essaie de rejoindre. Oui. Mettons, tu viens d'avoir un accident. Là, t'essayes d'appeler tes parents, puis ils répondent pas, là, parce qu'ils ont laissé leur téléphone au premier étage. Hop! C'est un peu trop précis, ça! Mais mon père, il est déjà à faire ça, puis ma mère, il est déjà à laisser son téléphone dans sa sacoche. Ouais. Mais ils répondent pas au téléphone chez eux. Non, je les comprends. Moi, mon téléphone est sur vibrateur tout le temps. Vibrateur? Okay. Vibration. Ah, OK. C'est ça, tu sais, j'aime ça. Ah. Mais ça sonne jamais, et souvent, je manque des appels. Ben, Colin, laisse un message, hein? C'est ça. Ouais. Je te rappellerai. Et si je te réponds pas, c'est parce que je veux pas te parler. Mais c'est sûr que si tu me laisses un message en boîte vocale, je vais pas te rappeler. Par contre, je vais te réécrire et trouver une raison de pas pouvoir t'appeler parce qu'il est rendu trop tard ou parce que je suis en train de faire autre chose. Parce que j'ai pas envie de te rappeler au téléphone, ça me tente pas. T'aimes pas ça? J'haïs ça, rappeler les gens. Pourquoi? Au téléphone. Pourquoi? Je suis pas du genre à parler au téléphone. Tu serais pas réceptionniste dans la vie, hein? Vraiment pas, non. Absolument pas. J'haïs ça. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Moi aussi, je suis pareil comme toi. Je te suis totalement. Mais moi, ça me dérange pas. Non. J'haïs ça répondre au téléphone d'un numéro genre 1-800. Ah ouais. Numéro masqué, c'est le pire. Numéro masqué, mais moi, je réponds pas. En fait. Ah, moi non plus. J'envoie un message. Je sais que c'est rendu avec. On a la possibilité de peser sur message. Ouais, c'est ça. Je te rappelle plus tard. Je suis occupé. Peu importe. Mais comment est-ce que ton téléphone sait à qui écrire le message si le numéro est masqué? Ben, il y a une adresse IP au téléphone. Je sais pas. J'ose espérer. Ou dans tous les cas, moi, s'il est masqué, qu'il le reçoive ou non, le message, je m'en fous. Il s'en fout, il l'a envoyé. Hey, mais c'est ça, exactement. On parle de ne pas répondre au téléphone. Hier, ça m'a vraiment surpris. J'étais chez moi un dimanche après-midi, je veux dire, à flâner, à absolument rien faire d'important. Et là, ça sonne chez moi. C'est pas le téléphone, la sonnette. Oh, genre à la porte. Ouais, ouais. Fait que là, je fais comme, OK, j'ai pas commandé de bouffe. Ça sonne témoin de Jéhovah. C'est ça. Fait que là, je descends au premier étage, en tout cas au rez-de-chaussée. Ils t'ont enlevé. Non, non. Pensé. Le gars, il avait l'air quand même relativement normal, mais il me dit genre, hey, là, je suis vraiment mal pris, là, t'aurais pas genre, je sais pas, de l'argent ou des canettes ou n'importe quoi. Je fais comme, ben ok, attends, donne-moi deux minutes, je suis vraiment retourné. Mais reste sur le balcon, s'il te plaît, j'ai fermé la porte, la barrée, mais je reviens. Et il y avait les escaliers de distance, là, mon appartement est complètement en haut, okay. Là, j'étais pas, il aurait pas pu voir chez moi. Là, fait que bref, je suis allé en haut, j'allais chercher des canettes que j'avais de toute façon dans un sac déjà préparé à aller les porter. Ouais. Ça, j'ai dit, gars, c'est pas grand chose, mais amuse-toi avec ça. Mais est-ce que c'était un sans-abri ou c'était vraiment un gars que, mettons, hey, mon char vient de me planter, faut que j'appelle. Ça ressemblait à plus ça, ouais. Mais il aurait pas pu demander un appel à la place de des canettes. Mais tu sais, c'est ça, j'aurais pas prêté mon iPhone, mettons, pour faire un appel. Ouais, je serais parti en courant avec. Tu sais, j'aime mieux y donner des canettes, qu'il ira faire les 25 cents avec, puis il ira dans un téléphone pour faire. C'est 50 cents, je pense. Non, c'est par canette? Non, par appel téléphonique. C'est là, on vit pas dans le même monde. Où est-ce que tu vas, toi, pour des canettes à 50 cents? Hey, ça me rappelle tellement des fois où je suis allé au magasin avec toutes mes bouteilles pour me faire dire que les bouteilles de vin, ça marchait pas. Je pensais que ça valait de l'argent, les bouteilles de vin. Oups. Tu peux les ramener à la SAQ, je pense. À la SAQ, est-ce qu'ils donnent l'argent? Je sais pas. C'est plus pour les recycler. Hein. Ouais. Exact. En tout cas, bref. Il y aura plusieurs bouteilles dans son sac, le monsieur, qui seront pas échangeables parce que c'est des Powerade. De poubelle, mais poubelle noire. À moitié plein. Ok, à moitié plein. C'est correct. Non, c'est le fun, ça me débarrasse parce que c'est mon troisième sac, mais j'ai pas d'auto, fait que je vais pas les porter à l'épicerie. Ben, moi aussi, je suis dans le même problème que toi. Par contre, il y a personne qui est venu cogner à ma porte pour récupérer ces canettes-là, ces bouteilles-là. Un jour, ta chance viendra. Ben, en fait, probablement qu'avant de déménager, je vais. C'est tout ça. Oui, je vais sûrement faire ça. C'est la même affaire pour tout le monde, je pense. Je sais pas si on est les deux seuls, mais à chaque fois que je déménage, faut que j'aille porter mes genre deux sacs de poubelle. Ben oui. Moi, c'est surtout les bouteilles de bière, par contre. Je veux dire, c'est plus lourd. Mais vous avez pas de bac de récupération, les gars? Oui, mais, c'est ça, quand je sais que je peux gagner de l'argent. Ouais, mais vous recyclez pas pareil, vous allez pas les mener. Non, mais ça les recycle quand tu les mets dans la machine à l'épicerie, là. Tu les mets dans la machine. Ça les compacte. Tu y vas-tu? Mais les canettes, moi, je les mets dans mon bac de recyclage. Ok, non, moi, c'est non. Moi, les canettes, oui. Les canettes, oui, parce que sinon, comme je vous dis, mettons, mon garde-manger en ce moment est saturé de stock. Puis là, c'est surtout des bouteilles vides, bouteilles brunes, que ce soit du trou du sable ou... Mais là, c'est ça. À un moment donné, il va falloir que je fasse de quoi parce que ça devient invivable pour tout le monde. Là, fait que... Tout à fait. Une chance que c'est derrière une porte. Heureusement. Ouais, hein? Deux sacs. Mais quand, je me trouve pas pire quand même. J'ai vraiment slacké là, parce que deux sacs complets en deux ans. Et puis c'est pas juste de la liqueur. C'est quand même beaucoup moins qu'avant. Ensuite, on était dans les instructions d'assemblage. On a déblatéré un petit peu sur le sujet, mais c'est pas grave. Parlons d'une archive en ligne qui vous dit exactement quelle police de caractère vos produits préférés utilisent. Par exemple, tu vois, je sais pas, une bouteille de sriracha au magasin, puis tu dis, Caroline, la police de caractère là-dessus est pas mal belle. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises Fancy News, qui est fancynews.com, qui va vous trouver la police de caractère. Ça date depuis 2010. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment le fun. Vraiment. C'est écrit par un trio d'experts en typographie et en police de caractère. Des différentes polices que vous voyez comme ça dans la vraie vie, que ce soit les magazines, les affiches de films, peu importe. On peut chercher aussi par industrie, par format et par police de caractère pour voir qu'est-ce qui utilise cette police-là dans la vraie vie. Et puis, ça va vous donner chaque détail de la police. Une fois que vous avez trouvé votre police préférée, ben vous pouvez cliquer dessus pour aller peut-être la télécharger. Évidemment, souvent, les polices sont payantes, mais quand même. Oui. Ça pourrait être quelque chose à envisager si vous avez besoin d'une police de caractère. J'en ai déjà acheté des polices de caractère. C'est très rare dans ma vie. Je pense que j'en ai acheté deux fois. T'es tombé en amour avec cette... Je suis tombé en amour. La police du logo d'assemblage requis, les lettres que tu sais pas trop de quel bord les regarder, je l'ai acheté pour, je pense, 15$. Je trouvais que ça valait la peine pour faire un logo. Clairement. C'est le fun. pas le fun. Ensuite, on utilise le petit gestionnaire des tâches de Google Chrome pour savoir qu'est-ce qui ralentit votre furteur Internet. Des fois, t'arrives sur Internet, t'as plusieurs onglets d'ouvert. Ouais. Et puis là, ben mettons le MP3 de la toune d'ouverture d'une chronique se met à laguer. Exemple, mettons. Mettons. T'sais, mettons, t'es en train de jouer une chanson, puis ça fait... Bon, ben c'est parce que Google Chrome, ça prend beaucoup de mémoire parce que chaque onglet a sa propre, ses propres processus. Donc, des pages qui gèlent, des trucs morts comme ça sur Internet, c'est difficile à gérer. Ben, pour savoir qu'est-ce qui prend autant de mémoire, ça peut être souvent une extension. Par exemple, le bloqueur de publicité, ça peut prendre beaucoup de processus. Okay. Donc, on sélectionne l'icône des options. Ça, c'est les trois petits points en haut à droite de la fenêtre. On va dans « Plus d'outils ». Et puis, on clique sur « Gestionnaire de tâches ». Comme là, présentement, la mémoire utilisée, si je les classe en ordre de kilooctets, la page la plus utilisée, c'est évidemment notre document de l'émission sur Google Docs, qui prend énormément de mémoire quand même, 346 000 cas. Ensuite, le furteur au complet. Ensuite, l'onglet de l'article que je suis en train de lire en ce moment. Ensuite, les autres articles. Il y a aussi l'extension Adblocker en ce moment, qui prend un petit peu quand même moins. Mais donc, vous allez savoir, en allant là-dessus, qu'est-ce qui prend du processus. Et vous allez pouvoir cliquer dessus et faire arrêter le processus pour, espérons-le, accélérer un petit peu votre furteur Internet. Donc, il y a des choses qui prennent plus de RAM que d'autres. Faites mais attention. Si tu fermes la page, ça peut juste aider aussi. Exactement aussi. Mais si c'est une extension, par exemple, tu n'as pas le choix d'y faire arrêter le processus ou d'aller désinstaller l'extension ou la désactiver parce que tu ne peux pas juste fermer l'extension. C'est pas comme un onglet. Ok, ouais, je comprends. Donc, mettons le bloqueur de publicité, si c'est lui qui prend beaucoup de processeurs, tu peux aller en chercher un autre. Par exemple, si tu as AdBlock Plus, tu peux aller chercher AdBlock tout court. Ici, sur l'ordinateur du studio, c'est AdGuard. Donc, dépendant de la RAM que vous avez sur votre ordinateur. Voilà. Ensuite, tiens, on reste sur, sur les produits Google, en allant sur YouTube, sur iOS, il y a un nouveau mode sombre dans YouTube. Oui, si vous regardez des vidéos le soir ou quelque chose comme ça, allez sur l'application YouTube et allez dans vos options personnelles pour allumer le mode sombre. C'est vraiment bien, c'est sur iOS, ça vient d'être rajouté. Sur Android, ça s'en vient bientôt, donc vous ne l'avez pas encore. Mais le pouvoir du Dark Mode est assez attirant pour regarder des vidéos le soir. C'est très simple, l'option rend tout noir. Donc à la place d'être blanc, ça devient écrit blanc sur fond noir. Oh. C'est très joli, moi j'aime bien ça. Il faut vous assurer d'avoir la version la plus récente de YouTube sur iOS. Ensuite, si vous êtes sur le Mac, je vois Antoine, t'es sur Mac, je suis sur Mac aussi. Oui. Souvent, tu peux finir avec beaucoup de fichiers sur ton bureau, un peu comme sur Windows. Ouais. Il y a une application qui s'appelle pour le Mac Declutter, D-E-C-L-U-T-T-E-R. Ça pourrait, bon, il y en a qui vont dire que ça va accélérer un petit peu ton ordinateur, mais non, pas tant que ça. Tu vas juste te sentir moins distrait et plus calme. C'est une application à 10$ et qui va ajouter quelques dossiers à votre bureau et en filtrant les fichiers quand vous cliquez sur le bouton Declutter Now. Donc, vous allez pouvoir choisir où vont s'en aller vos documents qui sont sur le bureau, dans photos, dans documents, et ajouter vos propres dossiers. Par exemple, tu pourras avoir, je sais pas, un dossier intelligent qui prendrait toutes les images PNG sur votre bureau et les mettre dans un dossier qui s'appellerait genre capture d'écran. Parce que quand tu fais une capture d'écran sur le Mac, c'est ça, en fait, tu peux pas te créer un document actuellement. Tu pourrais le faire, sauf que tu le fasses tout à la main. Alors que là, c'est un logiciel qui le fait automatiquement. Ouais, mais quand tu le fais, là, tu sais, mettons, tu décides d'enregistrer une photo, enregistre la poste sur ton desktop. T'es sage. Il y a des gens qui sont pas comme ça, qui accumulent jusqu'à temps qu'ils doivent faire le ménage. Et là, ce logiciel-là te permet de faire le ménage sans que t'aies à le faire. Tu vois, Antoine et moi, on pense pareil. Mais en même temps, moi aussi. Ça revient à dire, est-ce que j'emploie un homme ou une femme de ménage ou bien je fais mon ménage au fur et à mesure? Les deux se discutent. Mais quand t'as trop accumulé de malpropreté chez toi, peut-être qu'une fois la femme de ménage ou homme de ménage, la personne de ménage... À 10$, c'est quand même pas si cher que ça. Et puis, cette application-là, Declutter, te fait des dossiers intelligents, donc ça va tout seul le faire au fur et à mesure que t'accumules les affaires. T'accumuleras jamais parce que ça va aller dans le bon dossier. Ah bon? Bon, okay. C'est une façon de faire. C'est Declutter. Moi, mon bureau Windows, PC et Mac, peu importe, a zéro icône dessus. Non, moi non plus. C'est ce que je regardais en fait l'image. Moi, j'ai des dossiers, là, j'ai pas d'icône. Ouais, mais tes dossiers, t'es déjà sur ton autre disque dur. Pourquoi les avoir sur le bureau? Exact. Pour accès rapide. Pour accès rapide, tu vois. Donc, Declutter, c'est le nom de l'application. Ensuite de ça, tiens, un site web que je trouve vraiment cool, c'est l'Emojipedia. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher un emoji et de pas le trouver? Genre, j'aimerais ça avoir le petit emoji avec le taco dessus, tu sais. Oui. Ou le bonhomme qui pleure de rire, ou je sais pas trop. Moi, je cherchais parce que j'ai changé de téléphone. Alors, la chose qui m'a le plus marqué, c'est le changement d'emoji. Je tiens à le dire. Tu sais, t'en as perdu un, je pense, non? Que tu trouves plus? Ben, il y en a un que je trouvais plus. puis c'est celui avec les petites lunettes de style nerd. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, puis je l'ai retrouvé cette fin de semaine, mais je sais pas comment j'ai fait pour le retrouver. Il est pas avec les bonhommes emojis. Ben, voyons donc, André. Il est comme à côté du petit caca. C'est OK, bon. Écoute, ça, c'est le téléphone LG. Des choses comme ça qui arrivent, mais j'ai été tellement contente de le retrouver. Là. Ça fut un amour retrouvé incroyable. Coup de foudre, Mathieu Baron. Ouais, exactement. Donc, si vous cherchez un emoji précis et que vous ne le trouvez pas à côté du petit caca, hein, ouais. Emojipedia.org vous permet de taper n'importe quel mot, par exemple, je sais pas, c'est en anglais, heart, fire, n'importe quoi, et ça va te sortir tout de suite les emojis qui ont ce mot-là dedans, et tu peux facilement le copier-coller dans une conversation. Tu peux même aller voir par catégorie, comme des smileys et des gens, animaux et nature, alimentation et boissons, activités, etc., etc. Et t'as aussi les plus populaires classés en ordre, par exemple, la personne qui fait genre, je sais pas, le cœur rouge, des trucs comme ça, et des nouvelles. Il y a un petit blog là-dessus, donc on pourrait taper, disons, je sais pas, je vais chercher, mettons, birthday, mettons, tu sais. Puis là, tu cliques dessus, puis tu vas avoir birthday cake, cadeau enveloppé, gâteau en général, ballon. Tu peux cliquer sur le ballon, disons, et même à côté de l'emoji, t'as un bouton copier. Oh! Tu peux directement le foutre dans ta conversation. Ça, on facilement. Aime ça. C'est vraiment magique. Donc, emojipedia.org, j'aime bien. Ensuite, tiens, des fois, ça peut arriver lors de fêtes, de parties, n'importe quoi, qu'il y ait du glitter. Mm-hmm. Les gens achètent du glitter, hein, et là, on sait pas comment s'en débarrasser, hein. Le glitter, le conseil que des fois les gens donnent, c'est un peu comme les insectes, quelque chose comme ça, déménage de là. Mais non, il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons. En commençant par la pâte à modeler. Si vous avez des glitters un petit peu partout sur une surface qui est plus dure, vous pouvez prendre une boule de pâte à modeler et la rouler pour ramasser les glitters. Et ce qui est le fun en plus, c'est qu'après ça, ça donne une pâte à modeler avec des glitters dedans. Hein? Bon. Hein? Sinon, un ballon. C'est une façon scientifique de prendre les glitters, c'est en soufflant un ballon, en le frottant contre du tapis ou quelque chose qui va te générer de l'électricité statique, donc les cheveux, et tu passes ça sur le glitter, ça va ramasser le glitter. Wow. Hein? Un rouleau à poils, un rouleau à mousse de chandail, des trucs comme ça. Mm-hmm. Sinon, si t'en as pas, tu peux aussi mettre du papier collant sur la main. Puis venir le pogner. Sinon, t'as des Swiffer qui pourraient être bons aussi pour ramasser des glitters. Là, on parle de glitter, moi, ça peut être n'importe quoi d'autre. Là. Des trucs qui ressemblent à ça. Des confettis, peut-être, mettons. Il n'y a rien qui ressemble à des glitters. Il n'y a rien de plus choquant qu'à de ramasser des glitters dans la vie. J'avoue. Du spray pour les cheveux, sinon. Oui, ça, oui. Si vous avez du glitter pris sur des tissus lavables, vous pourriez essayer le spray pour les cheveux. Donc, mettez du spray sur la place où il y a du glitter. Laissez sécher ça et ensuite lancez tout ça au lavage. Et ça devrait tout nettoyer. Et pour terminer, l'huile de noix de coco. Et au contraire, si vous voulez faire garder vos glitters sur vous, là, mettons que vous allez, je sais pas moi, dans un party glitter, là, le spray net, là, le hairspray, va le faire coller. C'est le fun, ça, c'est un bon conseil. C'est contradictoire, quand même. Et pour terminer, comme je disais, de l'huile de noix de coco. Donc, si vous avez du glitter pris sur la peau après un party comme celui-là, un petit peu de l'huile de noix de coco, sur une boule de coton. Et sinon, il y a des petites serviettes humides pour enlever le maquillage qui peuvent fonctionner aussi. Donc voilà, des petits trucs de glitter. Ensuite, on a StudyTrack. C'est une application qui aide les ados à réviser leurs cours en chanson. Oh boy! StudyTrack, c'est une application qui vient débarquer sur iOS et Android. On dit, bon, tu sais, que c'est une bonne technique d'apprentissage de se chanter une chanson, s'inventer des paroles pour apprendre j'ai des trucs. J'ai jamais fait ça! Non? À part, mais non, mais c'est même pas une chanson, là. Tu sais, mon vieux, tu m'as envoyé sur une autre planète, là. C'est un appareil mnémonique. C'est ça, normal. Exactement. Ça, c'est des outils, disons, de De mémoire. Mémotechnique, exactement, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà appris quelque chose avec une chanson? Pas avec une chanson. Non, pas non plus. Je suis bon pour écrire des paroles sur des chansons qui existent déjà. Oui, ça oui. Donc, pour ceux qui veulent étudier, en ayant des chansons en tête, on part du principe que 92% des gens de 12 à 17 ans possèdent un téléphone intelligent et que 95% des 12-24 ans téléchargent de la musique sur Internet. Les fondateurs de StudyTrack ont vu dans le marché, bon, en français, en plus c'est un marché français, un terreau fertile pour leur application qui est déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, j'ai pas vérifié, en fait. Mais plus de 165 000 adeptes depuis le lancement. Mathématiques, français, histoire, géographie, technologie, toutes les matières qui concernent les étudiants sont là-dedans. On dit que l'application StudyTrack contient actuellement 125 chansons enregistrées en français avec des styles musicaux que les milléniaux affectionnent. Je les connais pas, là, mais Big Flo et Nelly, Soprano, connais pas du tout. Ça assure de couvrir 60% du programme scolaire visant à la préparation des universitaires, donc ceux qui s'en vont à l'université après. En plus d'un catalogue de chansons en français, on peut accéder à 260 titres en anglais, issus des versions anglaises et américaines de l'application. Donc ça s'appelle Study Tracks. Je vais vous dire tout de suite si ça fonctionne ici. Study Tracks. Oui! Ça s'appelle Study Tracks. Révise comme ça. C'est gratuit sur l'App Store en ce moment même. Bon. Wow. Voilà. Mais c'est quoi, tu rentres tes notes de cours et ça te fait une toune? Tu y vas par sujet. OK. En fait, t'as mathématiques, par exemple, et là, t'as la thématique de Thalès ou les fractions, par exemple. Et là, tu cliques sur fractions et tu vas avoir une chanson par quelqu'un de connu qui va te dire des conseils pour retenir comment fonctionnent les fractions. OK. C'est le fun. Hein. Il donne ça un exemple de personne connue? Ben, il y avait tantôt Big Flo and Ollie, Soprano, Luan, Orelsan, Maître Gims. C'est... Mais ça, c'est des c'est des chanteurs, chanteuses qui sont portés volontaires, disons, pour... Je crois qu'ils ont pris des chansons qui existaient déjà. OK. Et ils ont, j'imagine, acheté des droits pour, j'espère. Wow, OK. Je suis en train d'essayer de me mettre avec Face ID dessus pour essayer d'avoir un exemple. C'est le fun. On va y revenir tantôt. Ensuite, on a quelques trucs pour prendre des photos de ces animaux de compagnie. Ah? Ah ouais, les animaux, des fois, peuvent être photogéniques. On pourrait leur donner une deuxième carrière. En effet. Après, juste paresser. Évidemment, ça, c'est leur première carrière. Donc, on nous suggère quelques petits trucs de photographie essentiels pour que même les gens les moins connaisseurs de photos puissent faire de leur animal une star des réseaux sociaux. Boy. Commençons par placer son animal de compagnie dans des situations intéressantes. Ça pourrait être bien. Ouais. Savoir ce qui les rend confortables, par exemple, sur ta cuisse. Ah oui. Hein? Arranger l'espace autour de ton animal de compagnie. Donc, vous pouvez changer les meubles de place, ajuster les rideaux pour avoir une bonne lumière. Hein? C'est une bonne idée. Ouais, ben oui, le gros shooting, toi, avec la chienne. C'est sûr. Ensuite, trouver un ami pour votre animal, tu sais, pour vraiment avoir un petit duo d'animaux hein, qui fait des belles photos comme ça. Alors, on pourrait prendre plus de photos que nécessaire parce que tu sais les animaux, contrairement aux humains, bougent un petit peu plus. T'sais. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile de le faire arrêter. Donc, prenez-en plus. Peut-être même tenir le bouton de la gâchette de votre téléphone ou appareil photo pour prendre plusieurs photos en même temps, mode mouvement. Et puis, vous allez en avoir une là-dedans où il n'y aura pas les yeux fermés. Hein. et puis, ensuite de ça, on a le focus, tiens, de bien focusser sur l'animal et non pas sur les objets autour. Tu sais, sur votre téléphone, là, quand vous appuyez sur une place, ça va focusser cet endroit-là. Assurez-vous que ce ne soit pas le sac de bouffe de votre animal, mettons qu'il soit focusé, mais bien l'animal. Ensuite, comment est-ce qu'on se comporte dans un ascenseur? Quand vous croisez quelqu'un que vous connaissez pas, mettons, dans un ascenseur, qu'est-ce que vous faites? Rien. Jay Pantoute, on retient son Ça dépend dans quelle situation, quelle est la situation qui se passe. Mettons, si t'arrives pour rentrer dans l'ascenseur avec, puis là, il y a comme un... Oups, toi en premier. C'est ça, exactement. Ouais. Tu viens d'y parler automatiquement. Il y a un lien, là. T'es pris. T'es obligé de lui parler. T'es pogné, là. T'sais, il va sortir, il va se retourner, il va te faire bye. Ouais, petite poignée de main. C'est ça. Ben, peut-être pas la poignée de main, là. Mais si je suis déjà dans l'ascenseur, tu fais juste rentrer. Vraiment un léger sourire. Ouais. Mais je te regarde même pas. Ben non. Est-ce que tu fais semblant d'éviter le regard? Ouais. Ouais, hein. Ouais. J'ai pas envie de vivre le moment malaisant de ah, hey, bye, bonne journée. Hein, parce que c'est petit, un ascenseur. Oui, quel numéro, hein? Cloîtré avec quelqu'un. Cette fameuse question. Tu vas où? Vous pesez genre quasiment les deux en même temps sur le bouton, puis vos doigts se touchent. Bref, les balades dans l'ascenseur, ça peut être un petit malaise pour certains. Hein? Oui. Maintenant, il y a un propriétaire de Seattle. Un propriétaire. Pourquoi est-ce que c'est un expert? Je sais pas. Mais c'est dans le journal The Stranger qui a écrit, en fait, lui, ces règles-là pour les ascenseurs. Il voulait donner ça pour, genre, tout le monde dans la bâtisse pour que tout le monde suive les mêmes règles. OK? OK. Première règle, se mettre à droite de l'ascenseur. Donc, un peu comme dans les sur les trottoirs ou dans la rue, on devrait toujours être à droite pour laisser les gens entrer à gauche. Selon OK. Ensuite, tenir la porte si t'es pas... Si t'as la capacité de le faire, si t'as pas de sac d'épicerie dans les mains. Mm-hmm. Donc, t'es peut-être pas capable de le faire, mais c'est la chose polie à faire de tenir la porte. La courtoisie. La courtoisie. Fait. Ensuite, ça devrait être toi qui appuies sur le bouton. Donc, si t'es proche des boutons, parce que t'es à droite, étant donné que tu viens de rentrer, t'es seul, t'es à droite, si quelqu'un d'autre entre, c'est à toi et non pas à la deuxième personne de venir peser sur le bouton, parce que t'es à droite. OK, donc c'est, okay. C'est de la logique. C'est logique, quand même. ensuite, aller vers l'arrière ensuite. Donc, t'es déjà à droite, si quelqu'un d'autre entre, tu recules. Évidemment. C'est logique aussi. Et dernière étape, considérer les escaliers. Hein, si vous êtes capable de le faire, mais oui. Prenez les escaliers. C'est ce que le propriétaire a Pourquoi? Dit. Je trouve que c'est des bains parce que ça va te faire ta petite marge de santé. Hein? Mais est-ce que le propriétaire se soucie réellement de la santé, de l'état de santé de ses usagers? Ou peut-être qu'il se dit que moins de gens prennent l'ascenseur, moins ça va briser souvent. Exactement. Moi, c'est ça, c'est pour une question monétaire. Et on parle aussi de petites discussions, là, mais en tant que tel, je pense qu'on peut s'éviter ce stress-là en disant juste rien, s'il vous plaît. Si quelqu'un vous parle, par contre, c'est là que ça devient gênant, parce que j'ai une face de gars qui veut que tu y parles. Bon gars. Mais ça dépend dans quelle situation, là. Non, moi, j'ai tu sais, il y a tout le temps un petit bonjour. J'ai le réflexe du bonjour facile. Ouais. Disons que moi, si je croise un regard, je vais faire un petit sourire. Est-ce que c'est... Même puis, si tu connais pas la personne. Exactement, oui, ouais. Clairement. Puis, ouais. Mettons, le petit bonne journée, à la fin, ne fait pas mal, mais fait quand même un grand bien, mettons, à la personne. Peut-être que tu vas empêcher quelqu'un de vivre une mauvaise journée parce que tu dis bonne journée. Oui, surprenamment, en fait, des fois, je pense qu'on prend pas assez en compte, en fait, le pouvoir des mots. C'est vrai. L'article continue ou se termine en disant « Be friendly, but not too friendly ». Donc, soyez amical, mais pas trop. Hein? Parfait, ça. C'est ça. Exact. Ouais, c'est de même, j'aime mes relations. Oh, OK. C'est vrai, c'est vrai. Amical, mais pas trop. C'est ça, d'emblée, ça. Ah, c'est son profil Tinder, d'ailleurs. Amical, mais pas trop. On va parler ensuite de lavage de dents. Oui. C'est un sujet qu'on n'aborde pas trop souvent. Mais c'est ce qu'on devrait tous savoir comment se brosser les dents. Ben, on devrait, mais on ne vous l'enseigne pas nécessairement tout le temps comme il faut. Quoi, t'as pas eu ça, toi, au primaire, genre un atelier de brossage de dents avec un dentiste? Oui, oui. OK. Oui, oui. Mais il y en a qui n'ont pas retenu leur leçon. OK. En fait. On parle, pour commencer habituellement, de brosser en cercle. Oui. Hein? Mais c'est pas la meilleure façon. Ben oui, ça fait 25 ans qu'on nous dit ça, s'il vous plaît, pouvez-vous pas changer d'idée? Les dentistes préfèrent la méthode Modified Base Technique. Ouais. Donc pour brosser ses dents de cette façon-là, on va prendre un angle de la brosse à dents avec la gencive et on va y aller en mouvement circulaire pour faire pour que la plaque se décrasse. Pour être sûr que tu saignes la gencive. C'est ça, ça va aller en dessous de entre tes dents et tes gencives, entre tes gencives, ouais, c'est ça. Et puis tu vas brosser après ça vers l'extérieur pour retirer les débris. C'est ce qu'on dit. Ça a de l'allure. Ouais. Une analyse dans le British Dental Journal est en désaccord avec cette technique-là. ça dit que des 10 associations dentaires qui ont recommandé une technique spécifique, 6 préféraient Modified Base, dont je viens de parler, parce qu'on dit que ça nettoie mieux que les autres méthodes. La méthode qui était rarement enseignée aux enfants, par contre, c'était justement la Modified Base, donc c'est pas ce qu'on enseigne aux gens, mais c'est ce qu'on devrait leur enseigner. Non, c'est mais ça te décache les gencives? Ouais, ouais. Mais ça te déchausse les dents? Ça te déchausse les dents. Ouais. Ben oui, ouais. C'est comme ça qu'on appelle une dent déchaussée quand il n'y a plus d'argent. C'est vrai. Donc, mouvement circulaire pour détacher la plaque et après ça, tu pousses vers l'extérieur pour l'enlever. OK. C'est pas si pire. Frotte en rond. OK. Okay. Je suis plus droitier que gaucher de la brosse. Je sais pas. Ben, c'est sûr que je fais tout en ça. Oui. Elle est tout en fait vers le bas, là, elle mime vers le bas et vers le haut du bas. Mais le circulaire de la gencive, ça, non, c'est sûr, je pisse le sang si je fais ça. On a toutes une sensibilité différente. C'est... Écoute, mes brosses à dents là, sont super soft. Ça donne-tu une idée? Non, mais c'est ça. On remarque pas tout le temps, les gens, quand on achète une brosse à dents, est-ce que vous regardez tout le temps l'épaisseur des poils? Ben non. Moi, je prends une moyenne souvent, mais on dirait que c'est parce que je me dis que c'est le standard. Non. Je prends la brosse à dents, faites la moins chère. Ouais, c'est ça. Plus souvent qu'autrement. Ouais. La marque maison de la pharmacie. Exactement. C'est en couture. Je pensais qu'il fait le moins saigner des gencives. Oh. Ben, c'est ça. Les poils souples, pour ceux qui ont la gencive sensible, c'est une bonne chose, en effet. Ensuite, justement, on continue dans le lavage de dents. J'ai dit qu'il y avait une thématique là-dessus. Le meilleur moment, selon vous, pour brosser vos dents le matin, est-ce que c'est avant ou après le déjeuner? Ah, ben là, après? Après. C'est ce qu'on se demande. C'est ce qu'on se demande. Laquelle est la bonne façon? Selon. Je passe après, hein? Sinon c'est dégueulasse. Vous voulez le savoir? Hein? Oui. Bon. Non, tu veux pas savoir ça? Ben non, ouais, mais moi, OK, avant d'avoir la réponse, faut dire que. Mettons que tu te brosses les dents, là. Avant. En te levant le matin, tu te brosses les dents. Tu prends la douche, après ça, toilette, blablabla, après ça, déjeuner. Après ça, tu prends un verre de jus d'orange. C'est horrible. C'est dégueulasse. C'est pas bon, là. Pire affaire. Fait que, mettons, peu importe la réponse que tu vas donner, moi, je vais continuer à me brosser. Ouais, moi aussi, après. Ouais, même si c'est pas la bonne réponse, c'est ça? Ouais. Donc, chez Lifehacker, deux dentistes nous parlent du bon moment pour se brosser, pour passer à soie dentaire et pour utiliser le rince-bouche. Et les règles ne sont pas aussi claires qu'on aurait aimé penser, en fait. Selon Lifehacker, selon l'article ici, c'est que ça dérange pas vraiment si tu te brosses avant ou après le déjeuner parce que tes dents vont être propres de toute façon, même si tu déjeunes après. Mais y a-tu vraiment du monde qui se brosse les dents avant de déjeuner? Se levant, ouais. Parce que des fois, les gens vont, mettons, se lever très, très de bonne heure, vont se brosser les dents. Ça, c'est vrai, par contre. Oui, et déjeuner, mettons, plus tard dans la journée, peut-être 2-3 heures après s'être levé. Mais c'est ça qui n'est pas bon. C'est exactement ça. C'est de te laisser l'estomac vide pendant 2 heures. C'est ça. Non, mais c'est parce que quand tu laisses, disons, ta bouche pendant 8 heures de temps, le temps que tu dormes, exactement, les microbes se créent, ça crée un climat un petit peu douteux dans ta bouche. L'odeur. Ah, mais de la rincer avant de manger, par exemple. Comment? De trincer la bouche. Ah oui? En tout cas, moi, je fais ça, je me lève. Un verre d'eau, ça trince la bouche un peu aussi. Ben c'est ça, je fais, je me lève, je bois de l'eau, mais je me rince la bouche. Ouais, exact. Puis là, je le crache. Un petit Gagarin. Exact. C'est ça. Yuri Gagarin. Bref, c'est ça, ça dépend de ce que vous mangez. En fait, si votre repas contient du jus d'orange, comme tu l'as dit, Antoine, ou quelque chose d'acide, comme du café. En fait, non, quelque chose d'acide, le café, lui, c'est correct. Ah, OK. Les dentistes recommandent si votre déjeuner contient quelque chose d'acide, comme du jus d'orange. Là, les dentistes recommandent d'attendre 30 minutes après le repas avant de te brosser les dents. Parce que l'acide dans la nourriture va interagir avec l'émail de tes dents. Et tu peux faire des dommages microscopiques à l'émail si tu te brosses tout de suite les dents. Avouez que ça, vous le saviez pas. Je ne le savais pas. Si vous êtes quelqu'un qui se brosse après le déjeuner et que vous venez d'entendre pour la première fois de la règle des 30 minutes, paniquez pas. Hein? On dit que c'est pas si grave. C'est un peu, c'est pas le fun, on devrait pas le faire, mais c'est pas si grave que ça. Bon. Pour la soie autour des dents. Mets pas tes doigts dans prise de courant. Hein. C'est pas grave si tu veux, mais c'est pas si grave. Non, ça c'est grave. Mais non, mais franchement. ça c'est grave. Ça va être un choc électrique. Pourquoi ils disent de pas le faire, puis après ça ils disent c'est pas grave. C'est pas dramatique. Drôle parce que c'est quand même peu concret. Hein, t'sais. Oui, c'est ça. T'sais, on dirait que l'article c'est juste ben vous pouvez le faire, mais vous pouvez ne pas le faire. Écoute, dans la modération, bien meilleur goût. Pars à la brosse ou pars pas à la brosse, c'est pas si grave. C'est pas grave de partir sur la brosse. Mais. Un dentiste du Kansas a dit à Lifehacker qu'il n'a jamais regardé un patient qui avait un émail défait un petit peu en lui disant « t'aurais dû attendre 30 minutes après ton jus d'orange ». Il dit que c'est quand même correct. Il ne dira pas à quelqu'un, à un client… C'est à cause de ton jus d'orange. Okay. C'est un petit truc à savoir, mais que… Ouais. Ensuite, pour la soie dentaire, je disais, il n'y a pas vraiment de consensus à savoir si ça devrait être avant ou après que tu dois brosser les dents. La chose importante, c'est que tu passes ta soie dentaire. C'est ce qu'un dentiste a dit encore une fois dans cette section-là. Je suis pas un fan parce que mes dents sont trop serrées. Ensemble, j'aurais dû avoir des broches, je pense. Bref, et pour le rince-bouche, c'est pas totalement nécessaire pour maintenir une bonne santé, une bonne hygiène orale. Une bonne hygiène? C'est plus pour rapprocher. En tout cas, ouais, buccal. C'est ça. Buccal, c'est ça. C'est plus pour que ton haleine soit meilleure, le rince-bouche. Donc, ça a pas vraiment d'importance quand est-ce que tu le fais. Ouais. Est-ce que vous êtes du style à vous laver les dents tout de suite après avoir déjeuné ou attendre un peu? Non, je pense que ça me prend une bonne vingtaine de minutes. Ouais, moi avec. Ouais, exact, moi aussi. Facilement. Moi aussi. Ouais. J'aime bien déjeuner directement quand je me lève, faire mes trucs après ça, puis à la toute fin, me laver les dents. Moi, la dernière affaire que je fais avant de quitter la maison, c'est me laver les dents. Ouais, pour avoir le meilleur haleine possible, tu sais. Ouais. Bon. Bref, on va continuer dans le domaine, en fait, du lavage de dents. Je sais pas pourquoi ça a tombé qu'il y avait beaucoup d'articles là-dessus, fait que je les ai mis ensemble. mais il y a un nouveau. Est-ce que vous êtes des fans de podcasts? De balado diffusion? Ça dépend. Ouais. C'est parce qu'il y a un nouveau podcast. Qui dure exactement 2 minutes. OK. Pour vous aider à bien laver vos dents. C'est pour les enfants, évidemment. OK. Hein? On dit 2 minutes que c'est le moment, la durée parfaite pour se laver les dents. 2 minutes, c'est comme ça. Ma brosse à dents électrique, que j'ai un timer après 2 minutes à vibre. C'est parfait, j'adore ça. Ah ouais? Je te jure, wow. ça coûte pas plus cher qu'une brosse à dents normale. Là. Faut juste que t'achètes des petits embouts à la place de. Non, il y a même pas de pile. Il y a une pile, mais c'est pas une pile que tu peux enlever. OK. Quand la pile va mourir, ça va être fini pour ça. Bon, mais bon. Bref, ça s'appelle Chompers, Chompers, sur n'importe quel appareil qui prend des podcasts, des balados, que ce soit Android ou iOS, peu importe. Bref, on peut dire à Alexa, justement, un haut-parleur intelligent, Google, quelque chose, pars-moi un Chompers quand t'es prêt à te brosser les dents. Et là, ça va être 2 minutes de faits, de blagues, de petits casse-têtes de cerveau. Ils ont une thématique une fois de temps en temps. Donc, il y avait une thématique animaux récemment. Et donc, c'est un podcast qui change à chaque fois que tu te brosses les dents pour t'aider à te divertir un petit peu pendant que tu te brosses les dents. Tu sais, moi, c'est le moment quand je commence à me brosser les dents où je sors mon téléphone puis je m'en vais m'asseoir sur mon lit ou dans le divan. C'est vrai? Ouais, je te jure. Le 2 minutes, c'est quand même long. Puis là, on dirait que j'ai le feeling. On dirait que moi, je suis pas capable de faire autre chose que de me brosser les dents quand je me brosse les dents. En vrai? Ah, parce qu'il faut que tu comptes le nombre de brossages ou. Non, parce que c'est ça que je fais. Ouais, ben moi, c'est peut-être. C'est une routine, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais la différence, c'est peut-être une brosse à dents électrique. Vu que ça fait le travail pour toi, t'as pas vraiment besoin de faire des mouvements. Sinon, si je fais d'autres choses, genre, on dirait que. Tu brosses moins bien. Je bave ou je sais pas. J'avoue. Ça, c'est vrai, par contre. C'est vrai que tu finis par baver la pâte à dents quand tu fais autre chose. Ben oui, ça m'écœure. Je mets du maquillage, tu sais, j'irai pas me baver dessus. C'est pas faux du tout. Bref, Chompers, une petite balado diffusion en anglais, évidemment. Ensuite, si on va changer de sujet, on a fini avec les brosses à dents. Par contre, on reste dans ce qui est propre. Ah, OK. Si vous avez des vinyles à la maison, oui. Vous pouvez utiliser un petit chiffon, un Swiffer, pour laver vos disques, pour les nettoyer un petit peu. Ben oui, juste en fait pour enlever la poussière. Un petit Swiffer. C'est pas un substitut, bien sûr, pour vraiment nettoyer l'intérieur de chaque petite bosse. Mais quand même, si vous avez de la poussière chez vous, un petit Swiffer va retirer tout ça. C'est ce qu'on nous suggère. Je pense en fait que j'aurais peut-être dû arrêter avant parce que ça fait longtemps qu'on parle. Non, ouais. On arrête ça là. j'aurais dû arrêter avant. Merci d'avoir écouté cette chronique-là. Hein? À sondagerequis.com, note de l'émission numéro 1220, si ça vous intéresse d'aller voir les liens pour les instructions d'assemblage. Au retour de la pause, on va retourner à Tania. Eh bien, oui. Pour une deuxième chronique. De quoi tu nous parles tantôt, Tania? Ben, je l'avais dit tout à l'heure qu'on allait parler d'intelligence aujourd'hui. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu des liens entre notre physique et nos épisodes de psychose, peu importe comment ça peut se passer au niveau neurologique. Mm-hmm. Eh bien, aujourd'hui, j'ai j'ai parlé de quelqu'un qui a été franchement fascinant au niveau de l'intelligence, qui est décédé récemment, Stephen Hawking. Stéphane Roy. Le gars dans la caméra café. Oui, Stéphane Roy. notre ami Antoine nous quitte. Malheureusement, oui. Mais merci d'être resté. Merci à vous, puis je souhaite une bonne journée à nos auditeurs. Et oui, à vous aussi. Et on se revoit très bientôt. À bientôt. C'est les lundis ou deux semaines, et puis quand on va l'inviter pour venir une fois de temps en temps. Sur le fly. J'aurais pas le choix de dire oui, en fait. C'est ça. Avec ce que j'ai dit tantôt, j'aurais pas le choix de dire. Tu nous as menacé, en fait. Ben oui, mais. Avant ça, on écoute Charlie Wilson. Voici Stone Woman. Il n'y a aucun lien à faire avec Tania et ses médicaments pour néolaryngobis. Oh boy. Ça te fait-tu des effets secondaires, ça? Mais non. Charlie Wilson avec Stone Woman, bien sûr, une reprise d'Éric Lapointe avec Marie Stone, évidemment, c'est... ou pas. On revient dans quelques instants avec Tania S. Gunn. Aujourd'hui. C'est la dernière demi-heure de l'Assemblage requis en ce lundi 19 mars 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. OK, oui, on est seuls ensemble pour terminer l'émission d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on a assez de contenu de ta part. Oui. Pour rendre ça intéressant. On va essayer. On parle encore d'intelligence, si je comprends bien. Oui. Dans Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! She's gonna do the... Quelle sorte d'intelligence, ce coup-ci? On parle de l'intelligence, en fait, de Stephen Hawking. Pour ceux qui ne savent pas qui est Stephen Hawking, eh bien, sortez de sous votre roche, s'il vous plaît, parce que c'est un astrophysicien britannique qui est connu, entre autres, pour ses recherches sur les secrets de l'univers, mais également, surtout, en raison de sa maladie dégénérative paralysante, qui était la sclérose latérale amyotrophique. Le célèbre truc du Ice Bucket Challenge, ça va rapport avec ça. Et on a, de la part de Stephen Hawking, on a un petit peu déjoué tous les pronostics des médecins. Ouais. C'est ça qui était quand même assez impressionnant avec cet homme-là. C'est que oui, bien évidemment, il est un des plus grands esprits scientifiques de notre époque, mais il s'est quand même éteint à 76 ans lorsqu'il était censé s'éteindre beaucoup plus tôt à la suite de cette maladie-là. Donc, il nous a laissé quand même de grandes choses. Et il y a peut-être certaines choses que vous ne saviez pas sur la vie de Stephen Hawking. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis tombée sur un article qui, justement, nous dit certaines choses. Je vais pas vous mentir, c'est pas mon article à moi. C'est un article du Journal de Québec. Alors, je vais mettre les choses bien au clair. C'est pas moi qui ai décidé de faire la recherche incroyable sur la vie de Stephen Hawking. Mais lorsque j'ai lu cet article-là, eh bien, je me suis dit, j'ai pas le choix. Je dois absolument le partager à nos auditeurs ce matin parce que c'était un homme quand même assez incroyable. Comme je le disais, il a fait quelques recherches, en fait, sur les secrets de l'univers. Il nous a appris beaucoup de choses et il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits, beaucoup de recherches qui ont été écrites par lui. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous instruire, ben, d'après moi, c'est un grand esprit que vous pourriez très bien découvrir. Et si peut-être émuler aussi. Hein, ça va être de voir si ces recherches-là peuvent continuer sans lui. C'est. Exactement. Il est né exactement 300 ans, jour pour jour, après la mort de Galilée. Donc, il y a certaines personnes... écoute, méchant hasard, mais il y a certaines personnes qui se sont dit, bon, qu'après Galilée, Stephen Hawking était peut-être le plus grand esprit scientifique. Il ne s'était pas nécessairement trompé, mais visiblement, l'univers a envoyé un message à Stephen Hawking à sa naissance parce qu'il est devenu, évidemment, le nouveau scientifique célèbre à la suite de Galilée. Galilée, en fait, est décédé le 8 janvier 1642 et Hawking a vu le jour exactement 3 siècles plus tard, donc le 8 janvier 1942. Wow. C'est un signe du destin. Théorie du complot. C'est exactement ça. Par la suite, eh bien, sachez que c'est pas parce que il était un des plus grands esprits scientifiques qu'il l'a toujours été. C'était un des pires dans sa classe au primaire. Ben voyons. Ben oui, il a un esprit très très vif, on le sait. Donc Stephen Hawking, c'était pas un très bon élève. Ouais. Il avait de la difficulté à lire avant l'âge de 8 ans et il devait se contenter des pires scores de sa classe à l'âge de 9 ans. Donc c'était pas un super bon élève. Pourtant, on lui donnait déjà le surnom d'Einstein. Comme quoi son entourage sentait peut-être qu'il avait le potentiel d'accomplir de grandes choses et clairement ils se sont pas trompés. Hein? Mmh. Il a fait partie de l'équipe d'aviron à Oxford, sachez-le, avant de souffrir de sa maladie. Donc, il souffrait d'isolement lors des premiers mois à l'université d'Oxford, mais Stephen Hawking s'est joint à l'équipe d'aviron parce que justement, il cherchait à faire des amis. Il n'a pas la carrure d'un athlète, là, on s'entend. Il occupait le rôle de barreur, donc celui qui dirige le bateau et qui coordonne le rythme des rameurs. C'est pas lui qui ramait, on l'aurait bien deviné avec la shape qu'il avait. Par contre, il a fait partie de l'équipe et ça a été une grande réussite dans sa vie. Il s'est fait des amirons avec ses amirons. Oui, exactement. L'amour l'a aidé à apprivoiser la maladie. Ah, ça je pense qu'il n'y a pas choses, grand chose de plus quétaine que ça, mais de plus beau aussi. En fait, il venait tout juste de rencontrer sa première femme, Jane Wilde, lorsqu'il a reçu le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique. Donc, on lui donnait simplement quelques années à vivre, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est ça qui a fait en sorte que ça a été surprenant, en fait, de voir Stephen Hawking durer aussi longtemps. C'est qu'il n'était pas censé s'accrocher aussi longtemps à la vie comme ça. Mais son amour pour Jane Wilde lui a donné une bonne raison de s'accrocher à la vie. Et il l'a dit plusieurs fois en entrevue. C'est comme un bon petit conte, là. Hein? Ça, c'est le fun. Sa femme l'a sauvé, en fait, en refusant de le débrancher il y a 33 ans. Oh, wow. Donc, sachez-le, peut-être que certaines personnes n'étaient pas au courant, mais Stephen Hawking a contracté une grave pneumonie en 1985. Et on a dû subir une trachéotomie pour parvenir justement à respirer parce qu'on n'était plus capable de respirer soi-même. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a perdu l'usage de la voix. Les médecins ont offert à sa femme, Jane Wilde, d'éteindre atteindre la machine qui le tenait accroché à la vie et elle a refusé. Donc, si au jour aujourd'hui, bien du moins la semaine dernière, Stephen Hawking est décédé à l'âge de 76 ans, merci à Mme Jane Wilde qui nous l'a gardé aussi longtemps. L'histoire ne dit pas s'il était content de vivre le reste de sa vie comme ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il était heureux dans la vie? Peut-être. Ben, je crois que Stephen Hawking a réussi à se garder quand même heureux malgré la maladie, en continuant quand même à faire certaines choses. Hein? Oui. Quand t'es un grand chercheur comme ça, je pense pas que tu deviennes... En tout cas, hein? On peut pas y demander. Non, c'est ça. Bon. Exactement. Il a organisé un party pour les voyageurs temporels. Sachez-le. Oui, c'est vrai. Il voulait tester, en fait, si c'est possible de voyager dans le temps. Donc, Stephen Hawking a organisé une soirée pour justement les gens qui peut-être voyageaient d'année en année en leur lançant une invitation le lendemain. Mais malheureusement, personne ne s'est présenté à la petite soirée que Stephen Hawking a réussi à mettre sur pied. Il y a du popcorn, toi? Oui, mais non. C'est triste comme ça. Sachez qu'il a joué son propre rôle dans plusieurs films et dans plusieurs émissions. Donc, l'astrophysicien a fait des apparitions à de nombreuses reprises, que ce soit au petit ou au grand écran, entre autres dans Star Trek, La Nouvelle Génération, dans Big Bang Theory aussi, où on le voit, dans Les Simpsons, où il est bien évidemment dessiné. Futurama aussi, il est là. Il a joué dans Il croyait aux extraterrestres. Donc, Stephen Hawking soutenait en fait que c'était préférable de ne pas chercher à les contacter car ils ne voulaient pas qu'ils aient de mauvaises intentions. Et là, on parle de, bien évidemment, les extraterrestres, là, pas les personnes qui voulaient que ce soit dans ces films. Ou des mauvaises impressions de notre société. Oui, c'est ça, exactement. Il a écrit une trilogie de livres pour enfants. Ah. Et si demain matin, je me devais d'avoir des enfants ou si, si tout simplement j'avais des enfants, bien, croyez-moi que ça serait les premiers livres que je leur donnerais. parce que Dieu... Si par erreur, j'avais des enfants. Si par erreur, j'avais des enfants. Mais Dieu sait que Stephen Hawking a un esprit vraiment incroyable. Et c'est lui qui a écrit la trilogie « George et les secrets de l'univers ». Lui et Lucy Hawking, donc il n'était pas seul, c'était un grand vulgarisateur. Il a écrit en collaboration, en fait, avec sa fille, une trilogie qui aborde plusieurs concepts complexes comme l'origine de la vie et les trous noirs. Je pense que c'est quand même assez intéressant de donner ça à des enfants. Ça peut peut-être lancer une étincelle par rapport aux sciences chez eux, on ne sait pas. Sa famille, sachez-le, a fait le Ice Bucket Challenge. Ah oui. Donc, on se rappelle que tu le disais tout à l'heure, c'était pour la maladie. Mais on se rappelle du défi de justement se verser un seau d'eau glacée sur la tête pour amasser des fonds pour la sclérose latérale amyotrophique. Et Stephen Hawking pouvait difficilement participer lui-même au défi. Mais il a mandaté... La rouille, hein, c'est ça. Il ne pouvait pas se verser lui-même le ice bucket sur la tête, mais il a mandaté ses enfants de le faire, en fait. C'est aussi à cause du choc de température. Ah ben oui. On aurait pu avoir certaines complications au niveau de Stephen Hawking, mais ses enfants se sont fait un plaisir de participer pour lui. En fait, sachez qu'il est décédé, mais avant de décéder, il a quand même légué certaines choses quand même assez importantes, dont la prédiction de la fin de l'humanité sur Terre dans 100 ans. Donc, dans un documentaire de la BBC, l'astrophysicien a prédit en 2017 qu'il ne resterait qu'un siècle avant l'extinction de la vie humaine sur Terre. Il vous reste 100 ans pour faire ce que vous voulez faire. Profitez-en. Parce qu'on va devoir voir si d'ici 100 ans, Stephen Hawking avait raison. A-t-il fait vraiment comme Galilée? il est mort... oui, il est mort le même jour que la naissance d'Einstein. Donc, il avait vraiment une vie... Stephen Hawking, en fait, est décédé le 14 mars dernier, donc c'était la date de naissance du physicien Albert Einstein. C'est un fait surprenant. Bon, hein, on va chercher le surprenant où on veut avoir du surprenant. Mais on souligne également ce 14 mars le 30e anniversaire de la journée de Pi. Ah oui, ben oui, oui, c'est sûr. Donc, il est décédé la journée de l'anniversaire de Pi. Ça, c'est intéressant, considérant les grandes études scientifiques qu'il a fait. Et il a bien évidemment des citations célèbres, ce cher Stephen Hawking-là, entre autres sur le pourquoi de l'existence de l'univers. Donc, j'ai quelques citations pour vous aujourd'hui. Si vous ne saviez pas qui était Stephen Hawking, peut-être que ces citations célèbres vont vous le remémorer. Donc, il dit que si nous trouvons la réponse, ce serait le triomphe ultime de la raison humaine à ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu, nous saurions l'esprit de Dieu. Et ça, c'était dans une brève histoire du temps qui a été publiée en 1988. Sur sa maladie, il dit que ses espérances ont été réduites à zéro à 21 ans. Tout depuis est un bonus. Donc, ouais. À 21 ans, il était censé décéder. On s'entend, il est décédé à 76 ans. Pas mal un gros bonus. Hein, pas ça, pire, hein? C'est pas pire partout. Il a aussi dit qu'il a vécu 5 décennies de plus que ce que les médecins avaient prédit. Il a essayé de faire un bon usage de son temps. Parce que chaque jour peut être le dernier. Il a le désir de tirer le meilleur de chaque minute de sa vie. Et chose qu'il a très bien réussi à faire. Si jamais ça vous intéresse, il y a un documentaire qui s'intitule Hawking, qui est sorti en 2013. Ça fait quand même quelques années, mais c'est un excellent documentaire, justement, qui discute de la vie de Stephen Hawking. Si on parle de la célébrité, parce que bon, on l'a dit, là, il est devenu quand même assez célèbre avec ses recherches, mais aussi avec sa maladie. Donc, le désavantage de sa célébrité, c'est qu'il ne peut pas aller nulle part sans être reconnu. Ben oui. Ça sert à rien de porter des lunettes de soleil ou une perruque. Le fauteuil roulant le trahit. Il avait quand même un sens humoristique assez développé, je trouve, malgré sa maladie. Ah, il aurait oui. très bien pu se morfondre sur son sort, mais non, il gardait quand même bon état de vivre, si on peut dire ça comme ça. Et sur les intellectuels qui fanfaronnent, eh bien, il dit que les gens qui se vendent que leurs QI sont élevés sont des perdants. Oh wow! Trump, qui n'arrête pas de dire qu'il a le meilleur QI. Là. Exactement. C'est parfait. Bravo, c'est parfait. Et sur la perfection, eh bien, il dit que sans imperfection, vous et moi n'existerions pas. C'est vrai! C'est vrai! C'est fou. Et on voulait savoir aussi, avant que Stephen Hawking décède, qu'est-ce qu'il pensait de l'intelligence artificielle. Il a eu quand même certains mots à cet égard, entre autres sur les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà, qui se sont montrées très utiles. Mais il pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humanitaire. Mm-hmm. C'est intéressant, rien ça. Que ça. C'est intéressant. Et si on regarde, évidemment, sa pensée sur la mort, parce qu'on le sait, il était censé mourir à 21 ans, chose qu'il ne s'est pas produit, il dit « Je vis avec la perspective d'une mort précoce depuis 49 ans. Je n'ai pas peur de la mort, mais je ne suis pas pressé de mourir. Il y a tant de choses que je veux faire d'abord. Mm. » Et ça, c'était dit en 2011. Donc, il a quand même réussi à vivre 7 autres années avec l'espoir de pouvoir accomplir quand même de grandes choses. Et je crois que Stephen Hawking est un des célèbres dont il faut absolument se souvenir. Absolument. Une icône. Exactement. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania, je connais tout Tania tous les matins de semaine à Assemblage Rookie. Ah, maintenant, on écoute, tiens, un peu comme Steven se faisait aller les roues. Mm-hmm. Hein? Voici le calme pivote de Octoplot. Je me sens pas brisé. Le calme pivote d'Octoplot. Oui, à finir de même. That's it. Maintenant, on a encore quelques petites minutes avant la fin de l'émission, donc j'en profite pour faire Après le crime. Ce long métrage est laissé au jugement du téléspectateur. Il renferme des scènes très violentes. Après le crime, la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti et où on parle de gens qui ont fait des choses répréhensibles, et on commence par la prison pour une mère qui a marié son propre fils ainsi que sa propre fille. Ouh! Une femme de Norman en Oklahoma, une mère qui a déjà marié son fils par le passé avant de marier sa propre fille, a reçu sa sentence récemment. News OK nous dit que Patricia Ann Spann, 45 ans, a reçu une sentence de 2 ans en prison après avoir plaidé coupable d'inceste. Bien sûr. Évidemment. Elle a admis avoir marié sa fille biologique en mars 2016 et avoir vécu avec elle, oui, à Duncan. Donc, on dit que Spann s'est réuni avec sa fille adulte et ses 2 fils en 2014 après avoir perdu la garde de ses enfants. La mère a marié un de ses fils en 2008, mais le mariage a été annulé en 2010 quand le fils a rapporté ça comme étant de l'inceste. Wow. La fille de Patricia Misty, 26 ans, a plaidé coupable d'inceste, elle aussi, en novembre dernier. Par contre, ça a été retiré après qu'on ait appris donc, que sa sentence remise à plus tard était interdite sous la loi de l'État. Donc, pour un truc bureaucratique, si on veut, ça a été retiré. Patricia disait qu'elle croyait que le mariage était légal parce qu'elle avait perdu la garde de ses enfants, donc c'était pas son nom qui était listé sur les certificats de naissance de ses enfants. Elle se disait donc que pour ça que c'était correct. Juge doutable, doutable. Juge a annulé cette union-là en octobre 2017, disant que la mère avait donc amené sa fille à la marier de façon frauduleuse. Voilà. Ensuite, justement, on reste dans le même domaine avec des parents qui sont accusés d'avoir eu des relations sexuelles avec 3 de leurs enfants et le chien de la famille. Et pour eux, l'inceste est une façon de vivre, une façon normale de vivre. C'est un couple de l'Indiana aux États-Unis qui donc, est accusé de viol d'enfants, bien sûr, et d'inceste après avoir eu présumément des relations avec 3 de leurs enfants depuis 2012. C'est Wish, une station de télé, qui dit que la police a été mise au courant de cette situation dérangeante après qu'une femme ait dit que les 2 plus vieux enfants, donc un homme de 19 ans et sa sœur de 17 ans l'avait alerté, cette femme-là, pour un possible abus sexuel. Les documents de la cour disaient que l'enfant le plus vieux avait dit aux officiers que son père, Kaylin Johnson, 52 ans, lui avait dit que l'inceste était une façon de vivre complètement normale et que c'était la meilleure façon de créer un lien familial, d'avoir des relations avec ses parents, particulièrement sa mère. L'affidavit dit que les 2 frères et sœurs ont dit que ça a commencé en 2012 quand Kaylin a emménagé avec la famille. Apparemment qu'il... c'est pas mal ça finalement. L'histoire de choses. J'ai pas besoin d'aller dans les détails plus que ça. Moi, j'arrive tout le temps pour aller dans les détails, puis après ça, je le regrette, fait que je vais lâcher les détails. Ensuite, tiens, une future mariée, en fait, qui s'en allait à un mariage et ça a causé un accident de voiture assez douloureux. Alors, c'est une future mariée de l'Arizona qui a fait attendre son mari à l'hôtel parce qu'elle avait très, très hâte de célébrer. Et c'est Tuscan News Now qui nous dit que Amber Young, 32 ans, a été arrêtée pour conduite en état d'ébriété après avoir causé un accident de voiture à 3 voitures, en fait, après avoir conduit comme ça sous influence, en s'en allant vers son propre mariage. Elle était habillée donc avec sa robe de mariée. Elle a été mise sous menottes et emmenée à la prison locale. Un officier de police de Marana a tweeté une photo de l'arrestation avec un petit message disant « Même si t'as hâte à ton mariage, là, ouais. Commence pas à boire avant, tu boiras après. Hein? » Mm-hmm. Ridicule. Ensuite, on va descendre le cran ici en étant un petit peu plus dark, ouais? parce qu'un ex fâché qui a tué son ancienne copine alors qu'il s'en allait faire un test de paternité. Il a mis le corps de la femme en feu. Et a laissé le bébé sur le bord de la route. Mais voyons, on parle de plusieurs facteurs en même temps. Donc, on cherchait une femme en Arizona récemment Les autorités ont fini par la retrouver et ils ont découvert son corps brûlé près d'une route de Phoenix, en Arizona. Donc, c'est selon NBC, les autorités ont trouvé le corps de Jasmine Dunbar, 21 ans, près de la 107e avenue et de Camelback Road. Chameau, on se rappelle, c'est lui qui a deux bosses. Hein? Mm-hmm. Deux bosses. son corps était très, très brûlé. Les détectives ont trouvé sa fille de 7 mois vivante près de la 83e rue et de Minnesota Avenue. Assise donc dans son siège, dans la voiture, avec un soulier adulte et un sac de couches à côté d'elle. L'ancien copain de Dunbar, Antoine Ware, est derrière les barreaux, accusé d'avoir tué la victime alors qu'il s'en allait se faire faire un test de paternité en connexion avec la jeune fille. Oui, oui, oui. Ware a admis qu'il y a eu une chicane pendant leur balade en voiture et qu'il est devenu tellement enragé qu'il a frappé Dunbar plusieurs fois. Selon la police, Ware a abandonné le bébé sur le bord de la route pensant que quelqu'un allait la trouver rapidement. Ensuite, il est retourné au corps de Dunbar qui avait été laissé sur le bord de la route, l'a mis en feu avec un morceau de papier, du gaz et une cigarette. Ensuite, il aurait regardé le corps de Dunbar brûler et puis est parti pendant que les flammes étaient encore vivantes. En utilisant l'information de son téléphone cellulaire, la police a réussi à retrouver Ware et ensuite ils ont trouvé le bébé et plus tard le corps de Dunbar. Les officiers ont plus tard retrouvé Ware et l'ont arrêté pour meurtre au premier degré, kidnapping, avoir abandonné un bébé et puis abus bien sûr du bébé aussi. Ware qui reste en prison avec une caution de 1 million de dollars. Ensuite, une infirmière qui est sous enquête après qu'on l'ait trouvée, on reste dans le même domaine des enfants, donc ça pourrait être difficile à entendre quand même, mais une infirmière qui est sous enquête après qu'on ait retrouvé des blessures sur 5 nouveau-nés, dont des côtes fracturées ainsi qu'un crâne fracturé. Donc c'est une infirmière du Wisconsin qui a été suspendue récemment après qu'on ait découvert que 5 enfants avaient eu des blessures qui auraient eu lieu pendant qu'elle était... responsable des enfants. Voilà. Donc, l'hôpital où les bébés ont été blessés est aussi sous enquête parce qu'ils n'ont pas assez à agir rapidement. Selon le Wisconsin State Journal, on dit que Unity Point Health Monitor à Madison donc est dans l'eau chaude pour ne pas avoir répondu assez rapidement à ces alertes-là. C'était quand même en avril 2017. Des blessures sur d'autres bébés ont été trouvées aussi, côte fracturée, crâne fracturé et un bras fracturé. À l'origine, les physiciens croyaient que les bleus trouvés sur les bébés venaient du fait qu'un enfant s'était entortillé autour d'un tube alors qu'il était sous sa couverture, mais après ça, on a appris que plusieurs autres bébés avaient aussi été blessés, tout ça sous les soins de cette dame. Le prochain incident a eu lieu en janvier dernier, en janvier 2018, ensuite un autre le 2 février, le 4 février, où on a remarqué une bosse sur la tête d'un enfant. Bref, on a mené enquête et puis c'est ce que ça a donné. Finalement, on a fait 1 plus 1 égale 2, mais cette nouvelle-là, cette histoire est toujours en développement. Et on va terminer avec celle-là quand même. C'est un jeune père qui est mort devant sa petite fille ainsi que sa femme enceinte après que quelqu'un ait jeté une grosse pierre d'en haut. Tu sais, des fois, tu te dis, t'as peur qu'un viaduc te tombe sur la tête. Ben, une grosse roche, c'est aussi très, très dangereux. Ben oui, clairement. Donc, sur l'autoroute, ça a tombé directement sur son véhicule. C'est KTLA5 qui nous dit que Christopher Lopez, 23 ans, était dans sa voiture avec sa femme, sa mère et la fille du couple, donc une fille de 4 ans, sur l'autoroute 134 à Pasadena, quand une grosse roche de 30 à 35 livres est tombée à travers le pare-brise du côté du passager, là où Lopez était assis. La femme et la fille dans la voiture sont sortis de là sans être blessés, mais Lopez est mort. Sa femme l'a amené tout de suite à l'hôpital, mais évidemment, on n'a pas réussi à le sauver. Les policiers du California Highway Patrol ont dit dans une conférence de presse qu'ils croient que quelqu'un a jeté une roche volontairement par-dessus le viaduc, donc c'était un acte intentionnel selon la police. Les autorités cherchent le suspect et demandent l'aide du public pour trouver la personne responsable. Donc, une famille très, très innocente qui a perdu le père, finalement, de la famille. C'est vraiment triste. Voilà. C'est tout pour ça. C'est tout pour après le crime. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1220. Et c'est là-dessus qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. On a eu tellement de plaisir avec, entre autres, Antoine Lapointe-Ricard qui est venu nous faire sa petite chronique plein air. Donc, on le remercie. Merci à toi, Tania. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci d'être de retour parmi nous. Mais écoute, ça fait plaisir. C'est le fun de t'avoir. Ben oui. Demain, entre 7h et 10h, l'émission sera de retour avec plein d'autres chroniqueurs. Donc, demain, on a Marc-Olivier Dumas à 8h pour sa chronique Sport et Filoché. À 8h30, Dominique Nod Mavungu et Voix d'Afrique. À 9h, Jimmy Thibaudeau et son segment Gauchère Bévue. Et on devrait avoir un invité spécial en studio demain à 9h30. On vous dira c'est qui demain. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, à midi, c'est la rediffusion de C'est dans ta face. À 13h, la reprise de rock classique avec Alain Lefebvre. Et puis finalement, à 20h, en direct, Radio Neurone avec du rock progressif. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Et on se retrouve demain à 7h. Bye bye. Bye, bon café tout le monde. Ah, ça va manquer ça.